Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce 14e chapitre d'Histoire de Gamer. J'espère que vous allez tous très bien. Mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez sûrement si vous écoutez des podcasts, vous l'avez entendu à quelque part. Il était avec Mike Gamer dans le temps de Mike Gamer. Il y a fait la transition sur Factor Geek. Et c'est un gars qui est quand même assez actif sur Twitter. J'ai nommé Steve Lévesque ou Camelot78. Salut Steve. Salut. Ça va? Toujours. Ça va mieux en fait. Ça va mieux quand on est chez soi que quand on est à l'hôpital. Mais bon. Oui, oui. C'est ça pour les gens qui savent pas. C'est juste la petite fille. Steve a été un petit peu malade dernièrement. Donc, petit tour à l'hôpital. Quand c'est des enfants en bas âge, on prend pas de chance. Donc, petit tour à l'hôpital. Mais finalement, tout est quand même bien qui finit bien. Là. Elle a eu son congé. Et puis, ça se replace tranquillement. Oui, c'est ça. On retrouve notre petite fille. Oui, c'est ça. C'est pas agréable de passer du temps à l'hôpital. Je sais, je l'ai déjà fait et c'est la dernière chose qu'on veut faire. Surtout en tant que parent. Ouais. C'est pas tellement agréable. Donc, Steve, t'es un gars qui fait du podcast. T'as commencé avec Mike Gamer. Après ça, t'as fait, comme on l'a dit, t'as été vers Factor Geek quand ça a comme fait une migration vers un nouveau projet. Ouais. On sait que tu restes quand même assez loin. Tu restes dans c'est Amos, si je me rappelle bien, dans le coin de l'Abitibi. Bon, en fait, c'est Landrienne. C'est un petit village en banlieue, si je pourrais dire, d'Amos. Là. Amos, c'est la grosse ville en Abitibi. Il y en a des plus grosses, mais dans mon coin, c'est la plus grosse. Là. C'est la plus grosse ville, fait que toi, tu restes dans ce coin-là. C'est quand même assez intéressant parce que c'est sûr, c'est beaucoup... C'est beaucoup dû à la facilité maintenant qu'Internet a à nous aider à communiquer avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre coin. Mais comment ça a commencé? Comment ça t'a tombé dans, le monde du podcasting? Puis comment tu as rencontré la gang de Mike Gamer au départ pour commencer à t'sais, vouloir faire ça? Comment ça s'est passé? Ben en fait, j'ai commencé en les écoutant. Ça faisait, je me souviens pas, parce que ça fait quand même presque 3 ans, je pense. J'écoutais les podcasts de My Gamers. Puis je crois que dans ce temps-là, il y avait uniquement On n'a pas honte. Okay. comme podcast. Puis à un moment donné, Luc, sur le site, recherchait des nouveaux collaborateurs. Puis il voulait faire une section informatique. OK. Puis pour ceux qui me connaissent savent que je suis mordu d'informatique. J'ai pas de cours dans ça, donc il y a bien des détails techniques que je comprends pas nécessairement, mais j'ai un niveau avancé quand même. OK. Bon, c'est ça. T'es un enthousiaste, comme on pourrait dire. T'adores ça, puis t'as appris par toi-même. T'as pas pris de cours là-dedans, t'as juste appris par toi-même, les mains dedans, puis let's go, on part. C'est ça. Puis ce que Luc il voulait faire, lui, c'était une vulgarisation de l'informatique. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des thèmes, pas des thèmes, mais des composantes de l'ordinateur, puis j'expliquais en des mots plus simples à quoi ça servait, puis comment est-ce que ça fonctionnait, et ainsi pouvoir aider ceux qui allaient lire l'article pour leur futur achat, pour savoir justement un peu plus qu'est-ce qu'ils devaient acheter, qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'acheter. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, je suis arrivé sur les podcasts. En fait, je pense que je me souviens pas exactement comment est-ce que j'ai atterri dans les podcasts. Je pense parce que c'était la chronique informatique qui voulait avoir aussi sur les podcasts. Ça, c'est un peu flou, je me souviens pas vraiment. Okay. Mais je sais que ça a commencé comme ça. Je faisais des petites parties, puis de fil en aiguille, j'avais la possibilité parce que dans mon ordinateur, j'ai une carte de son, Sound Blaster ODG, qui me permet d'avoir l'option d'entrée de ligne, ce que vous entendez. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir enregistrer. Okay. Des conversations ou du podcasting, justement, j'ai pas besoin de console externe ou de peu importe, tout est déjà fait dans l'ordinateur. Puis c'était plus facile pour moi aussi d'enregistrer, fait que j'ai commencé à participer puis à enregistrer les podcasts. C'est un peu comme ça que j'ai embarqué dans le projet de My Gamers. Puis c'était dans leur nouveau C'était dans le nouveau podcast. Là, j'ai un blanc. Je vais avoir le fou. Nous autres, on a appelé ça la Force G, mais. Ouais, c'était pas comment ça s'appelle le Weekend de Gamer? Oui, c'est ça. Ok, Merci. ok. J'ai un blanc bête. Mais oui, c'est ça. Dans le Weekend des Gamers, on a commencé avec ça comme ça. Puis de fil en aiguille, j'ai enregistré. Puis Luc avait de moins en moins de temps aussi. Fait que là, à un moment donné, on s'est comme ramassé moi, puis Dominique, puis quelques invités. Puis on est parti comme ça, là, avec le Weekend des Gamers. Puis de fil en aiguille, ben là, après ça, il y a Luc qui avait plus de temps du tout pour My Gamers, donc il a laissé les rênes à Charles. OK. Puis Charles était plus ou moins à l'aise avec le fait de diriger toute une équipe. Donc il est venu le 1er janvier, la sortie de Factor Geek, qui faisait vraiment la transition entre My Gamers puis Factor Geek avec le nouveau podcast, le Weekend des Gamers, qui devenait La Force G. Ouais. On n'a pas honte, t'as suivi avec nous. Je crois que Musique Geek, en fait, c'était pas Musique Geek que ça s'appelait. Oui, il a changé de nom à un moment donné, Ouais, là. c'est ça. Ben, en tout cas, c'était le même podcast. Lui, il a suivi avec Factor Geek. Il a changé de nom en même temps que Factor Geek pour que le nom fitte un peu plus avec le projet, hein. Puis on est continué comme ça pendant un an avec Factor Geek, puis avec les podcasts. On a eu bien du plaisir pendant toute une année. Et ça, toi, t'étais aussi ce que Dom appelait le directeur technique. C'est que Ouais. non seulement t'enregistrais, mais t'étais en charge de mettre le podcast live, soit sur Ustream ou soit sur Justin TV, là. Ouais, la plupart du temps, on était sur Twitch ou sur Justin. Parce OK. qu'on Ustream, il y avait des publicités, puis on aimait plus ou moins ça. C'est arrivé, je crois que c'est arrivé une seule fois qu'on a streamé sur Ustream, puis c'est parce que Twitch voulait pas marcher. Ok, ouais. On a changé de plateforme, puis on s'est adapté pour être capable de faire le podcast live quand même. Mais sinon, le reste du temps, ça a tout le temps été sur Twitch. Hein. Puis, c'était quoi pour toi le trip de faire un podcast live? C'était-tu quelque chose que t'aimais plus ou juste l'enregistrer, ça aurait fait ton affaire ou t'aimais vraiment le trip de savoir qu'il y a des gens qui t'écoutaient là pendant que tu le faisais? Ben c'est sûr que c'est toujours plus le fun live parce que justement, tu as tout le temps des personnes qui sont en plus avec Twitch ou Ustream, il y a des chats, mais c'est que tu as l'interaction avec tes auditeurs. Là, tu es sur place sur ce que tu dis, sur ce que eux autres pensent. Fait que des fois, on va parler d'un jeu ou on va laisser des notes. Des fois, ça leur permet de nous corriger. Et des fois, ça lui permet d'ajouter aussi sur ce qu'on allait dire. Puis là, dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce point-là. Tu sais, un tel me fait penser à ça. Fait que c'est l'interaction que ça donne qui est beaucoup plus le fun. C'est sûr que, bon, juste les enregistrer pas en direct, pas live, puis les passer après, tu sais, j'ai arrêté probablement aussi content parce que, tu sais, on faisait ça à 3-4, donc tu as quand même une interaction avec les autres. Ouais. Ça fait pas que le podcast est plate en tant que tel, c'est juste que le côté live apporte un petit peu plus. Le côté interaction avec les auditeurs, pas juste t'sais, savoir que tu le sais qu'ils t'écoutent, mais au moins là tu peux voir puis tu peux interagir avec eux autres. Ouais, c'est ça. Puis ça rend ça Bien que plus ce soit sur le intéressant. chat, sur Twitter, il y a de l'interaction, là. OK. Donc là, c'est ça. Facteur Geek, toi présentement, tu es encore comme collaborateur un peu, mais t'as plus mis ça de côté. T'as-tu quelque chose pour toi qui s'en vient? T'as-tu décidé de faire autre chose, de partir autre chose? Tu tiens tranquille pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe un peu avec toi pour ça? Ben, c'est ça. Pour le moment, je suis un peu plus tranquille. C'est sûr qu'avec la petite, ça laisse beaucoup moins de temps. Oui. Du côté personnel, ben, tu sais, je continue à faire des let's play sur mon compte de Twitch. OK. Fait qu'il y en a qui sont capables de le voir là. Sinon, de l'autre côté, ben, tu sais, oui. Ben, techniquement, j'ai quitté Factor Geek. Oui, je suis encore dans les collaborateurs, mais j'avais demandé à Dominique, tu sais, si ça, parce que lui m'avait demandé si je laissais mes articles là. J'ai dit, moi, ça me dérange pas de te les laisser, mais j'aimerais ça que mon nom reste là. Fait que, tu sais, je suis encore collaborateur, mais tu sais, au lieu d'être dans les administrateurs, je suis vraiment juste comme collaborateur. Fait que ça permet que ceux qui vont lire mes articles, savent que c'est moi qui l'ai écrit là, tu sais, qui a pas été mis à quelqu'un d'autre, par défaut là. Donc, c'est pour ça que je suis encore là. Sinon, techniquement, là, je fais plus partie de Factor Geek. Là, tu parlais de tes let's play. Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais comme vidéo Ben, là-dessus? en fait, j'ai pas de thème précis. Souvent, ben, de ce temps-là, on joue beaucoup à Diablo 3. Moi, mes deux frères, puis mon beau-père, tu sais, on va jouer souvent, pas tout le temps les quatre ensemble. Des fois, on va être juste deux, des fois, on va être trois, des fois, on a déjà essayé à quatre, tu sais. Ça rentre dans le tas, hein. On a du Ça doit, plaisir ouais. à quatre. Ça doit être quelque chose, ouais. C'est ça. Puis sinon, c'est ça. Sinon, je vais faire. Parce que j'ai quelques contacts encore, puis je me tiens au courant de ce qui sort. Hier, j'en ai fait une de Age of Wushu, qui est un nouveau qui est une close une bêta fermée. Quel genre C'est de jeu? un nouveau MMO MMORPG dans le style asiatique médiéval là, le temps des empereurs puis Un peu du genre là, les jeux pas Age of Empire mais la version justement là, asiatique de ce jeu-là, j'ai pas le nom en tête qui me revient là, mais un peu comme ça mais en MMO, j'imagine. En fait, c'est un RPG. Fait que je te dirais que ça ressemble plus du style, bon, si on met vite fait là, tu sais, Diablo ou Dungeon Siege ou mais Torchlight, dans puis un comme ça. univers asiatique médiéval. Puis c'est extrêmement complexe. C'est compliqué à jouer. La mécanique de jeu est compliquée ou juste t'as tellement de choses à faire que ça devient compliqué? Ben c'est que tu as énormément de choses à faire. Puis je pense que j'ai joué presque 2 heures hier. Puis dans ces 2 heures-là, j'ai fait uniquement ce qu'on pourrait dire le tutoriel. Parce que là, tu as tes quêtes, là, lui dit, ah, va parler à telle place. Là, tu t'entraînes pour apprendre les arts martiaux, pour apprendre ci, pour apprendre ça. Donc, tu vas dans. Il donne un livre, tu vas dans ton inventaire, tu cliques sur le livre, t'apprends, tu sais, tu lis le livre, t'apprends les techniques. Puis là, tu peux les mettre en pratique, ça te donne des nouvelles habilités. D'où le RPG, c'est que ton personnage obtient de l'expérience, obtient des nouvelles habilités, obtient tout dépendant dans ce que tu veux faire. Chaque habilité aussi, tu peux les. Eux autres, ils appellent ça du. Cultivating, là, mais c'est. Tu peux en guillemets, les upgrader, là, les faire Les monter mettre à de niveau. jour ou c'est ça, monter de niveau. C'est ça, puis la ville est très grande. Ben là, c'est sûr que je me promène à pied. Je sais que j'en ai vu qui pouvaient se promener à cheval aussi. Donc, j'imagine que ça augmente la vitesse de déplacement. Fait que c'est peut-être un petit peu plus intéressant à se déplacer, mais le monde est immense. Ça t'es tellement grand que je trouvais peut-être ça un peu long aller d'une place à l'autre. C'est sûr que juste avant de terminer j'avais appris que maintenant je pouvais faire de la téléportation. Fait que je pouvais m'en aller d'une place à une autre. Donc des fois ça te permet de sauver du temps, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Si tu sais pas trop où t'en aller, tu peux t'as un petit dans ta quête qui t'explique qu'est-ce qu'il faut que tu ailles faire. T'as souvent soit le nom du personnage qu'il faut que tu ailles parler ou de la place où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles. Si tu vas dessus, il te donne ton point cartographique sur lequel la personne ou le dit point se trouve. Donc, tu sais un peu où t'en aller. Ça t'aide à trouver plus facilement. Puis, si ça ne te tente pas de chercher, tu cliques dessus, puis il fait le. C'est de l'auto. Pas de l'autodirection, mais du. Il s'en va là directement, il s'en va C'est à ce ça. personnage-là. T'as pas besoin de marcher, tu pèses dessus, puis ton bonhomme va marcher jusque-là. Ouais, c'est ça, il marche automatiquement. Il ne fait pas un déplacement, c'est pas une téléportation. Il va vraiment s'en aller en mode automatique, puis il va t'amener à ce point-là. OK, Donc, ça ça c'est t'évite de chercher. en autant que tu rencontres pas des ennemis en t'en allant, des choses comme ça, j'imagine. C'est-tu un peu comme un MMO régulier, tu as des ennemis un peu partout, puis tu t'en vas, puis. Pour le moment, j'en ai pas vraiment rencontré parce que dans le 2 heures, j'ai uniquement été comme en ville, OK. dans le village. OK, Donc, OK. j'ai il y a une place qui fallait que j'aille tuer des chiens sauvages parce que ça faisait partie de la quête pour me montrer une des habilités que je pouvais faire. Mais sinon, pour le moment, j'avais pas rencontré d'ennemis. OK. Mais est-ce que le monde a l'air vivant? Y a-tu beaucoup de. T'sais, est-ce que ça a l'air peuplé ou pour tout de suite c'est encore tranquille? T'as deux, trois bonhommes ici et là, puis ça a l'air quasiment mort comme environnement ou si l'environnement a l'air vivant? Si tu. L'environnement est extrêmement vivant. OK. Et pour une close bêta, j'ai trouvé qu'il y avait. C'est sûr que là, il y a juste un serveur. Donc, tous ceux qui essayent la close bêta sont tous sur les mêmes serveurs. Puis, il y avait énormément de monde. C'est ça aussi un peu qui vient. Que je trouvais qui rendait un peu le jeu un peu difficile, c'est que des fois, tu as tellement de monde, puis tu as tellement d'écriture partout dans l'écran, OK. qu'à un moment donné, tu te perds, tu as de la misère à suivre qui est quoi, qui est où, puis comment. Puis c'est sûr que c'est peut-être représentatif du peuple nippon. Ouais. Je pourrais dire que, tu sais, qu'eux autres sont 3 fois le nombre, si c'est pas 10, là, de population qu'on peut avoir ici. Donc, tu sais, c'est. Mais je trouvais ça peut-être un peu trop lourd. OK. C'est sûr que c'est un MMO, donc tu sais, c'est tout le monde est. Puis peut-être qu'en ville, tu vois tous les autres personnages, toutes les autres personnes qui jouent au jeu. Tandis que quand tu es dans le monde externe, ben là, tu es peut-être juste toi et ton groupe. Donc, ça sera peut-être plus facile un coup rendu à l'extérieur. Ça va être de continuer à jouer puis de voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis la close bêta vient juste de commencer ou ça fait un petit bout de temps que ça roule? Ben là, c'est sûr que moi, je pense que je l'avais téléchargé avant d'aller à l'hôpital. OK. Donc, je crois que ça commençait aux alentours du 10-11, mais. OK. Parce que c'est peut-être ça des fois, c'est que tout le monde commence en même temps, tout le monde se ramasse dans les mêmes zones en même temps, puis là, ça fait que ça a l'air surpeuplé, là. Mais tu sais, à un moment donné, si tu commences à jouer, puis c'est déjà, ça fait déjà, mettons, 2, 3 semaines que c'est commencé, le monde est peut-être plus éparpillé, tu sais. C'est sûr. Ils sont peut-être tous moins dans la ville, puis un peu plus en train de faire des quêtes un peu partout. C'est-tu supposé être un free-to-play, ou ça va être un pay-to-play? Ça a-tu été annoncé, tu le sais-tu? Je serais porté à dire que techniquement, ça devrait être un free-to-play, mais avec microtransactions. Ouais, comme Parce tous les que, free-to-play, là. ouais, c'est ça, ça s'en vient comme ça. Parce Ouais. que dans le jeu, il y avait une place que je pouvais, je me souviens pas, acheter quelque chose. J'avais 2 options. Il y en a un qui c'était prendre l'argent, puis l'autre c'était acheter quelque chose. Puis quand j'ai cliqué sur l'autre, il m'a sorti du jeu, puis il m'a ouvert une page web Ah, OK. qui était non valide, puis qui m'a ramené sur le site, sur la page principale du jeu. Donc, OK. je suppose qu'éventuellement, quand le jeu sera plus en bêta, que ça va être une place où est-ce que tu vas pouvoir payer pour acheter des crédits, acheter peut-être des compétences, acheter des. Non, ouais. Mais ce qui est correct aussi, je veux dire, il faut que ces compagnies-là fassent de l'argent quelque part, là. Sinon, je veux dire, ils peuvent pas payer les développeurs avec de l'argent qu'ils n'ont pas, là. Fait qu'il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. Puis C'est ça. souvent, les jeux microtransactions à ce heure sont plus payants que les jeux qui se vendent, là, Ouais. carrément. Mais regarde, si la plupart des jeux s'en viennent comme ça, sauf peut-être World of Warcraft qui va pouvoir rester encore une couple d'années ou peut-être pour toujours comme un jeu payant, là, mais les autres, on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Quand Star Wars The Republic vire free to play, c'est parce que Ouais, c'est ça. le mode de pour faire de l'argent pour ces jeux-là est en train de complètement virer de bord. C'est ça, puis il y en a beaucoup aussi dans les derniers temps qui sont tombés en free-to-play. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Star Trek Online, puis tout le kit, là. Donc, à part de ça, t'es let's play, fait que tu joues avec, mettons, ton frère, puis après ça, tu mets une vidéo, puis tu mets ça en ligne, puis le monde peut aller vous voir jouer, voir votre session de jeu. Ben, en fait, on le fait live. OK. Donc, ils peuvent nous écouter live. Puis, sur Twitch, je crois que c'est 7 jours que les vidéos restent en ligne. Donc, pendant les. Parce que il y a possibilité aussi de les garder, entre guillemets, les garder à jamais, là, qui restent dans le compte. Sinon, par défaut, après, je crois que c'est 7 jours. Après 7 jours, la vidéo, elle s'efface. OK. Ouais, mais à un moment donné, c'est vous autres, vous devez surtout miser sur le monde qui vous regarde live pendant que vous le faites pour avoir comme l'expérience de jeu en même temps que vous autres. Ouais, c'est ça. Y a-t-il un chat pendant que vous faites ça aussi? T'es-tu capable de chatter en même temps ou tu fais juste envoyer l'image de votre jeu, de votre session de jeu sur Twitch, puis c'est tout? J'imagine pendant que tu joues à Diablo, t'as pas tellement le temps de dire à quelqu'un, ben là, tu chatter avec quelqu'un en même temps sur Twitch, là. Non, c'est ça. Idéalement, ça me prendrait soit un deuxième écran ou un autre ordinateur. Parce que, tu sais, oui, sur Twitch, il y a possibilité d'avoir un chat, comme on faisait avec le podcast La Force G. Sinon, ben non, effectivement, où je pourrais mettre le jeu en mode fenêtre plutôt qu'en mode plein écran, puis avoir le chat à côté, mais j'aime mieux tout le temps jouer en plein écran. Donc, non, c'est vraiment pour nous autres, puis. Pour ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air, ben, ça lui permet de. C'est sûr que le Diablo, ça fait un petit bout qui est sorti, donc il y en a beaucoup peut-être qui savent déjà de quoi ça a l'air. Ou peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de jouer à 4, puis là, ça lui permet de voir qu'est-ce que ça a l'air à 4, ou ceux qui ne le connaissent pas. OK. Ouais, ça donne une idée avant d'acheter un jeu, tu peux voir le monde jouer, voir ce que ça a l'air. Puis si t'aimes ça, c'est beau toujours voir une démo, là, mais des fois une démo, ça te montre ce que ça veut te montrer. Ou des vidéos qui viennent de la compagnie en tant que telle, comme de Blizzard, te montrent un peu ce qu'ils veulent te montrer. Voir des gens jouer vraiment le jeu, des fois ça aide plus à te faire une idée que des vidéos officielles, Ouais. là. Fait que c'est quand même pas si pire. Ah, parce que les vidéos officielles, souvent, c'est pas du in-game, tu sais. Des fois, Ouais, ça va être des cinématiques. parce que c'est sûr que des cinématiques, souvent, ça vend des jeux. Souvent, les cinématiques sont super belles, puis le jeu, des fois, c'est pas super intéressant ou même super beau. Ouais. Des fois, il y a des gens qui se font peut-être berner à acheter un jeu pour les cinématiques. Ça pourrait arriver. Donc, bon, ben, ça couvre un peu ça. Si on parle du sujet principal du podcast, qui est le gaming. Comment est-ce que tu as tombé dans le gaming, quand tu étais plus jeune? As-tu commencé ça vraiment jeune ou tu as commencé ça à l'âge de 18-19 ans avec une console récente? Comment ça s'est passé dans ta vie à toi, l'introduction au gaming? En fait, j'ai commencé probablement très jeune. Puis c'est sûr que, bon, quand on a commencé, là, je me souviens pas si on a eu la Nintendo en premier ou on a eu l'ordinateur en premier. C'est quand même assez flou parce que je sais que le premier ordinateur qu'on a eu, c'était un 80-86. OK. Ce qui est un vieux IBM. Ouais, c'est ça fait quand même assez longtemps. Puis le côté, c'est sûr que je suis plus joueur PC que je peux être joueur de console. Pour vous donner une idée, j'ai quand même, t'sais, pas mal de jeux console, mais je dois avoir autant de jeux PC que de toutes les consoles confondues. OK. Fait que t'es vraiment un gars qui aime ça jouer sur son PC. Puis j'ai 20-30 jeux par console facile, OK. Donc, ta collection de jeux PC est quand même assez là. Ouais, j'ai exhaustive. une centaine et plus de jeux PC, ouais. OK. À travers les âges, c'est sûr, hein. J'en ai des plus vieux que je joue plus parce qu'ils fonctionnent carrément plus, là. Moi, à un moment donné, c'est un peu le mauvais côté des ordinateurs. C'est qu'à un moment donné, même si tu continues à jouer sur PC, le jeu que tu jouais en 1993, ne roulera plus nécessairement sur le PC récent d'aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Il y a quand même certains émulateurs, comme je pense à DOSBox, qui te permet de jouer des vieux jeux DOS. C'est sûr qu'avec Windows, bon, ils essayent autant que possible de pouvoir permettre des modes de compatibilité, des fois qui vont te permettre de jouer, mais il reste qu'il y en a quand même quelques-uns, des fois, qui sont plus fonctionnels, là, 2 ou 3 versions Windows plus tard. C'est ça qui est un peu plate, là. Il faut que tu fasses comme les consoles, que tu achètes. Au lieu d'acheter une vieille console, mais t'achètes un vieux PC. Puis. Ouais, ou un vieux OS. En autant que tu as ta copie d'OS, moi je roule souvent des vieux jeux. J'ai encore mes licences de Windows 95, des choses comme ça. Fait que Ben oui. je roule VirtualBox. puis je me monte un PC Windows 95, ça me permet de jouer à mes jeux de ce temps-là dans console. Puis les ordinateurs sont assez puissants aujourd'hui que tu es quand même capable de rouler le jeu dans VirtualBox. Là. Ça roule quand même assez bien, fait que souvent c'est un bon compromis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste que ça te prend la version légale de Windows pour être capable de le faire. T'sais. Effectivement, c'est ça. Mais souvent, si vous achetez des boîtiers, c'était là un peu partout, c'est facilement trouvable des clés qui sont restées sur des collants qui sont collés sur le bois, sur le côté du boîtier ou des trucs comme ça. J'en ai beaucoup que j'ai ramassé comme ça moi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai en vieillissant, j'ai acheté toutes les versions de Windows en m'en allant, fait que j'ai ma première licence, c'est un Windows 95, j'ai le 98, j'ai le Millennium, oui, Millennium, puis XP, puis tu sais, je les ai toutes jusque-là, fait que c'est quand même, tu sais, si j'ai besoin d'une vieille version d'un OS pour rouler ça dans DOSBox, pas dans DOSBox, mais dans VirtualBox, tu sais que t'es légal. Ouais. Je suis capable, puis je sais ça, je sais que je suis légal au moins, fait que, et au moins ça. Quoique Microsoft doit plus vraiment s'inquiéter avec... le piratage de Windows 95. Ils ont fait leur argent avec. Je pense que théoriquement, ça devrait plus vraiment les déranger aujourd'hui, mais vaut mieux être légal que pas. Effectivement. Donc, si on commence avec les jeux, même si c'était PC ou NES, à quoi tu jouais, qu'est-ce qui t'a marqué? Puis tu dis que tu étais très jeune, c'est vers quel âge ça, très jeune? Ben, en fait, je m'en suis rendu compte. Quand je suis déménagé, quand je suis allé dans mes premiers appartements, ma mère m'a redonné la boîte de souvenirs d'école qu'elle avait gardée, puis de baptême, puis etc. Là. Okay. Elle avait une boîte à souvenirs qu'elle avait gardée, puis il y avait, entre guillemets, là, le bulletin maternel. Puis il posait la question à savoir pourquoi qu'on avait hâte d'aller en première année. J'avais répondu. Je m'en souvenais pas, j'avais répondu que j'avais hâte d'y aller parce que je voulais aller sur les ordinateurs. OK. Donc, ça donne une idée de quand ça date, là. C'est, ça commence c'est pas d'hier jeune. Que je trippe informatique, là. Non, non, ben à moins que tu sois en troisième année, là, mais ça me surprendrait. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, en fait, c'est comme, je crois qu'on a eu l'ordinateur en premier puis que la NES est arrivée après. Il faudrait vérifier les dates des 80-86, là. Mais ce que je me souviens de l'ordinateur, c'est évidemment c'est bon Burger Time. On a joué énormément. Puis je me souviens aussi qu'on avait un jeu de je sais pas si je devrais dire là. le ESRB va me taper ses doigts ou ceux de mes parents. On avait un jeu de strip poker. OK. Qu'on jouait, écoute, c'était en monochrome orange, là, c'était de toute beauté. Oui, c'est vraiment pas ça qui allait titiller grand-chose. Non, effectivement. Puis pour avoir passé des heures et des heures à essayer de déshabiller la dite demoiselle, jamais on était capable. Tu faisais toujours battre. Non, tu sais, on venait à bout de se rendre à presque plus rien, puis elle venait tout le temps, moi, trouvait tout le temps le moyen de nous ramasser, puis de perdre la game, là, mais... Tu sais, si je regarde sur Super Wikipédia, les 80-86, c'était de 78 à 90, jusque dans les années 90. Ouais, donc, pas mal dans les mêmes années que la NES, donc c'est un peu flou, je pourrais pas dire lequel des deux qu'on a eu. C'est ça, mais c'est pas tellement grave, t'as eu les deux. Fait que, mais à part le strip poker dans ta quand t'étais genre en première, deuxième année, tu jouais à quoi d'autre? Ben, sur l'ordinateur, c'est sûr que dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens qu'on a joué à Burger Time. Ouais. Qui était extrêmement laid dans le temps aussi. Là. C'était pas vraiment beau comme graphisme. Non, c'est ça. Puis je crois qu'on a eu beaucoup plus de jeux. Quand on a changé avec le 286, que là, tu tombais avec des écrans VGA puis des, qui devenaient un peu plus intéressants. Mais tu sais, là, on a eu les Keen, on a eu les Bionic Commando, je pense qu'il y avait dans ce temps-là. Bionic Commando, ça me dit quelque chose. Il y avait Ikari Warrior, Bizarre Fan, il me semble. C'est-tu dans ces années-là, ces jeux-là? Ouais, je sais qu'on a eu Castle of Dr. Brain. Que je suis allé, je devrais pas le dire, en tout cas. Non, il est trop tard, là. Tu devrais pas le dire, ça passe pas, là. Ben sur DOSBox, je suis allé chercher Castle of Dr. Brain pour me rappeler le bon vieux temps, hein. Bon, oui. Ben, on s'entend-tu que des jeux de ces années-là, c'est tu peux plus les trouver, même si tu voudrais légalement les acheter, bonne Ça chance, là. s'achète. Ben, ça Tu sais. s'achète plus. Il y en a, en tout cas, même, je pense, sur Good Old Games, des jeux comme ça, ils doivent pas en avoir. Mais je sais que, je crois, si je me trompe pas, c'est DOS Games, avec un S, OK. .com. OK. Ils ont une liste de jeux qui sont rendus gratuits à télécharger. C'est peut-être pas les gros noms qu'on connaît, mais il y a possibilité de télécharger certains jeux qui pourraient être intéressants. OK. Qui sont DOS, mais c'est vraiment pour ceux qui trip DOS, parce que on s'entend que le graphisme là-dessus est pas extraordinaire. Non, c'était pas top, mais des fois c'est pas toujours le graphisme qui est intéressant. Je veux dire, c'est le gameplay, c'est le jeu en tant que tel. Ben, c'est ça. Je l'ai déjà dit, puis je vais leur dire, un des meilleurs jeux que j'ai joué à vie pour moi, c'est Beyond Castle Wolfenstein. Puis le graphisme, vous allez voir sur YouTube, c'était affreux, là. C'était Ah, c'est ça. vraiment. Mais le gameplay était tellement incroyable. Tu pouvais faire des choses que ça a pris des années à faire dans des jeux 3D aujourd'hui, là. Parce que c'était juste trop avancé. Tu sais, je veux dire, traîner des cadavres pour aller les cacher, te promener d'une pièce à l'autre, puis que si tu déclenchais une alarme, que le méchant te suivait d'une pièce à l'autre, il pouvait traverser de pièce, puis tu sais, c'était vraiment super avancé pour le temps, puis j'ai vraiment trippé à jouer à ce jeu-là. Mais si tu regardes le graphisme, je veux dire, aujourd'hui, le monde cracherait dessus, là. Non, effectivement, tu sais, nous autres, ça a été pareil. On a eu, sur PC, on a eu Wolfenstein, on a eu Spear of Destiny, qui est peut-être un petit peu plus avancé là, dans le temps, qu'on a joué énormément aussi. Il y a eu Myst, qu'on a eu aussi dans ce temps-là, qu'on s'est cassé la tête, puis que je pense que j'ai jamais fini. Ouais, Parce que, Myst, tu sais. c'était quelque chose. C'était vraiment un jeu de casse-tête, c'était ça. Puis des jeux en français dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, tu sais, si tu joues un jeu comme Myst, qu'il faut que tu comprennes vraiment ce que tu as à faire. Puis Ouais. c'est des puzzles. Puis tu sais, surtout quand on était jeune, fait que tu sais, l'anglais, on connaissait moins, donc c'était moins évident. Mais c'était quelque chose. Puis du côté de la NES, ben là, c'est sûr que bon, tu sais, t'as Mario puis Duck Hunt qui venaient avec. Fait que c'était un classique. Ce qui m'a marqué peut-être plus dans celui-là, je me souviens, c'était à la sortie de Metroid. Metroid, ok, ouais. C'est ça qui était un des premiers jeux que tu pouvais aller, tu sais, autant, c'était bidirectionnel, là. Tu pouvais autant aller à droite qu'à gauche puis revenir sur tes pas. Écoute, c'était, tu sais, waouh, là, tu sais, on peut revenir sur nos, tu sais, contrairement à Mario que tu faisais juste aller de gauche à droite puis t'avais fini ton tableau, là. Puis t'avançais d'un pouce, puis oublie ça, revenait sur tes pas, là. Non, c'est ça, tu C'est... sais, l'écran était figé, là, c'était wow, puis tu pouvais te promener aussi de haut en bas, puis l'histoire de Metroid, c'est sûr que, bon, c'est un classique aujourd'hui, là, on peut pas passer à côté de ça, hein. Ça a été maintes fois repris aussi, il y a eu beaucoup de suites, puis ils ont ressorti sur d'autres consoles aussi, donc, tu sais, le jeu est... Et j'espère qu'il va en avoir d'autres, là. J'aimerais ça vraiment ça avoir un Metroid en HD, là. Ok, ouais, peut-être sur la Wii U, ça Peut-être. va. Ben sûrement à un moment donné, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent que la Wii U lève un peu, ça va leur prendre des jeux, des vrais, qu'on appelle des blockbusters, là, des jeux qui vont faire vendre la console, là, pas juste un Mario. Ça va prendre un Zelda, puis ça va prendre un Metroid à un moment donné, ils n'auront pas le choix, là. C'est sûr que ça va aider. T'sais, des gros noms, des grosses licences comme ça, c'est sûr que ça va aider. Ensuite de ça, oui. Continue, c'est beau. Ben, ouais, c'est ça. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que bon, sur la NES, il y a eu les Final Fantasy. OK. Il y a eu, ben, en fait, nous aussi, en Amérique du Nord, on a eu le 1 sur la NES. Le 2 était uniquement sur le 2 qui est le 4 japonais, si je me souviens bien, qui est sorti sur la Super Nintendo. OK. Mais on a joué aussi longtemps sur la NES à Final Fantasy 1. Il y a Dragon Warrior qu'on a joué énormément. Pour les plus jeunes, ceux qui connaissent la série Dragon Quest, Dragon Warrior, c'est l'ancêtre. En fait, Dragon Quest, c'est l'évolution dans le temps de Dragon Warrior. OK. Ça a été un des premiers RPG avec Final Fantasy que j'ai trippé bien raide. Puis je l'ai racheté justement récemment, puis j'ai rejoué au jeu. Puis c'est dur à expliquer parce que c'est sûr que je vais faire un let's play là-dessus parce que le jeu a énormément de farming, de leveling up que tu as à faire OK. pour être capable d'avancer dans le jeu. Tu vas faire le jeu va peut-être te prendre quinzaine d'heures, mettons. Ben, sur 15 heures, il y en a facilement peut-être 10 que tu passes juste à monter tes niveaux de ton personnage pour être capable d'avancer parce que si tu vas trop vite, tu vas te faire clencher, t'as pas le choix. OK. Fait que tu vas passer 10 heures sur le 15 à juste tuer des monstres juste pour monter de niveau. C'est ça. Fait que tu sais, il y en a beaucoup qui vont trouver que bon, ils vont peut-être décrocher à cause de ça, mais je comprends pas. Même moi, je leur jouais il y a pas longtemps, puis je me disais, je comprends pas comment ça que j'aime ça. Il y a tellement de farming à faire, mais je sais pas. En partant, c'est sûr que c'est un style qui m'accroche. Mais celui-là, l'histoire, même si c'est pas une histoire extrêmement évoluée à les Final Fantasy 7, exemple, ben, c'est quelque chose qui vient chercher. C'est quelque chose que tu te sens impliqué. Je sais pas. Il y a un petit quelque chose de spécial que celui-là, même à travers les années, il vient me chercher encore. Puis je trippe autant à jouer, même si je fais plus de farming que je peux faire d'histoire du jeu, là. OK. Mais j'imagine l'histoire vient te chercher, puis c'est sûrement pas le côté graphique, le gros côté graphisme qui te fait triper encore aujourd'hui. C'est vraiment juste peut-être un côté nostalgie, puis le côté que le jeu t'a quand même vraiment bon malgré, tu sais, que ça date Ouais. de plusieurs années, là. C'est ça, peut-être aussi la diversité des monstres. Puis, ben, de toute façon, c'est ça, les Dragon Warrior, que ce soit du 1 au, je crois que c'est 6, si je me souviens bien, qui s'appelait Dragon Warrior. Après ça, ils ont tombé avec Dragon Quest. Autant une série que l'autre, peut-être moins en Amérique du Nord, mais du côté asiatique, c'est des séries qui marchent énormément. Ouais. Donc, tu sais, le jeu, entre guillemets, est pas poche, tu sais, c'est un jeu qui a fait ses preuves, puis ça marche, puis c'est toujours des bons vendeurs, donc, tu sais, ils ont trouvé une recette gagnante, puis ils l'utilisent bien, tu OK, sais. ça existe encore aujourd'hui? Les Dragon Quest, oui. OK, Il y en non, a sorti c'est un style de un. jeu que je ne joue pas, moi, les plus 2, moins 4, plus Ouais. 6. J'ai de la misère un peu avec ça, là, mais je dis pas que je déteste, mais c'est pas mon style de jeu. Fait que c'est pas le genre de jeu que je regarde ah, quand est-ce qu'il en sort un prochain, tu sais. Non, c'est ça. Je crois que le dernier en liste est sorti l'année passée. Là, ça serait à vérifier, là, mais si je me souviens bien. C'est sûr que les Dragon Quest, là, j'étais longtemps à décrocher de cette série-là. Mais faudrait que je m'y remette, non? Mais je crois que c'est l'année passée qu'il y en a sorti un. OK. Puis Puis de. pour donner une idée, les Dragon Quest, quand il y a une sortie au Japon, la journée de la sortie, c'est congé de travail pour tout le monde, là. À ce point-là, là. C'est à ce point-là parce que de toute façon, il n'y a pas personne qui va rentrer parce qu'ils jouent tout à leur jeu. OK. Ils sont tous en train de jouer à Dragon Quest. Fait que les patrons ont juste dit tant qu'à. On met une journée de congé là. C'est-tu Ben, c'est la ça. même chose pour Final Fantasy là-bas ou? Je pense que oui. OK. Je ne pourrais pas confirmer pour le congé, mais c'est sûr que l'ampleur des sorties de jeu est aussi grande, mais je ne pourrais pas confirmer qu'il y a une journée de congé aussi pour ceux-là. OK. Bon, ben avis au gouvernement québécois, la prochaine sortie de ça serait quoi ici? Halo, peut-être? Pour Halo 5, ça nous prend une journée fériée. Une journée fériée, ouais. Ouais, c'est mettons, là, je dis Halo de même, là, faites vos choix, là. On peut se faire un sondage, puis une pétition, puis mettre 10 jeux sur une liste, faire voter le monde, puis on Ouais, enverra ça à c'est Québec, puis on dira, regarde, ça. c'est à la sortie. Aux États-Unis, ce sera probablement Wow. La prochaine extension de Wow. Après, ça pourrait être ça peut-être au Canada aussi. La prochaine extension de WoW, c'est congé pour tout le monde. Ouais. Ceux qui jouent pas à WoW, mais tant mieux, vous aurez une journée de congé pour faire d'autres choses. Effectivement. OK. Fait que Dragon Quest, Dragon Warrior, ça a été un de tes jeux. Là, on est sur NES, on est sur PC, on est sur NES. Sur NES, ouais. NES, quand t'as eu la tienne, t'avais-tu le petit robot avec Gyromite? Non. T'avais pas eu ce kit-là, ben, le robot qui servait vraiment à rien, c'était vraiment poche. Moi, je l'avais, puis je pense que j'ai joué avec 3 fois, c'était beau, là. C'était impressionnant à voir aller, mais à part de ça, ça marchait tellement mal, là. En tout cas, pour moi, là. J'étais peut-être juste pas doué aussi, ça se peut, tu sais, j'étais poche, mais je trouvais tellement que c'était juste un gadget qui servait à rien. Au moins, le fusil était intéressant, tu sais. Oui, il y avait une certaine intérêt. Je pense qu'il y a eu uniquement Duck Hunt qui marchait avec le fusil. Là. Ça se pourrait, oui. Je me souviens pas s'il y a eu d'autres jeux après qui l'utilisaient. Là. Il y en a peut-être eu d'autres, mais ça n'a peut-être pas été des grands succès. Là. Peut-être. Des jeux qui ont passé inaperçus. C'est ça, il y en a sûrement qui ont peut-être sorti aussi au Japon, mais que les jeux n'ont pas vu le jour en Amérique du Nord. Oui, juste pas traversé ici. C'est bien possible aussi, là. Mais je me rappelle des heures interminables à tirer des canards à Duck Hunt puis avoir le chien qui riait de moi. Ah, c'est clair. Crise de chien. Puis là, tu vas me traduire 18 et plus. Puis là, t'essayais de tirer le chien puis ça servait à rien. T'sais. Tu dirais, je peux juste le tirer. Le pauvre petit, il a l'air misérable. Non, ouais, c'est ça. Sans nécessairement le tuer, il aurait pu genre mettre juste une petite animation. Tu as tiré une oreille, tu l'as blessé. Juste pour... Ça aurait rajouté un peu au jeu. Mais peut-être qu'il rit. Peut-être qu'il aurait pu rire non plus. En tout cas. Ouais. Mais la PETA n'existait pas dans ce temps-là. On aurait été correct. C'est par après, hein, c'est ça. Fait que si on passe à... Là, t'avais ta NES. Dans ce temps-là, les jeux de PC, c'était-tu Burger Time? T'avais-tu d'autres choses qui t'avaient intéressé là-dessus aussi? Sur PC, dans ce temps-là, c'est ça. C'est comme je dis, on a eu les... on a eu Keen. Je crois qu'on a eu des King Quest. Si je me souviens bien, c'est Bionic Commando. Et si t'arrêtais pas de jouer à Strip Poker, j'imagine que tu jouais à le jeu sous Larry? Même pas. Non, pourtant c'était le step, c'était le prochain étage presque immanquable pour ouais, toi dans ce temps-là. Je me souviens pas d'avoir joué, pas du temps que j'ai été chez mes parents, là. Me souviens pas d'avoir joué à Laser Suit Larry. Parce que c'est dans la même compagnie, c'était Sierra dans ce temps-là qui faisait justement les King Quest, les Police Quest, les Space Quest, puis il y avait Laser Suit Larry. Là. Je les avais pas mal tout essayé dans ce temps-là, qui étaient quand même des bons jeux. King Quest, c'était quand même assez intéressant. C'était, oui, c'était le fun, c'était le fun à jouer. J'ai rejoué aujourd'hui, puis non, plus capable. C'est pas mal moins le fun aujourd'hui. Oui. Tu sais, tout le temps à écrire, tout ce qu'il faut que tu fasses, là, non. Ouais, c'est ça. Ça, m'intéresse plus. C'est ça que c'était. C'est sûr que c'est un peu comme retourner jouer à. Je sais pas, moi, c'était quoi les jeux que c'était juste de l'écriture dans le temps? Zork? C'est-tu Zork? Peut-être. Quelque chose comme ça, t'avais, fallait que tout, tu tapes tes commandes, tu sais, va à droite, va à gauche, ouvre la porte. À un moment donné, c'était comme, ou regarde à gauche, tourne à gauche, c'était long. J'ai eu, je pense, aussi des Dungeons and Dragons qui étaient comme ça aussi dans ce temps-là. Fallait que t'écrives toutes tes commandes à la main? Moi, je pense que oui. Bon, c'était le début du jeu vidéo aussi, il n'y avait pas de souris nécessairement, les souris commençaient, tu sais. C'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Là. Fait que c'était souvent du tapage de clavier puis des commandes. Là. Oui, c'était un peu fatigant. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça, après l'évolution, c'est ça, on a eu... je me souviens d'un Winter Game qu'on a joué longtemps. Oui, Epic Games qui sortait ça. Qui avait fait quoi? Winter Games, Summer Games, Mission, c'est-tu Impossible Mission? Je sais pas. C'est-tu Epic Game ou Accolade? Non, Accolade, c'était un. Il me semble que les. Toutes les Summer Winter Games, c'était Epix. C'est possible. Je me souviens que j'ai eu la discussion de ça avec François Tadei. Si je regarde, jouer.com, mais si je me souviens pas ce qui. Epic Games, Epix. Impossible Mission. Winter Games en 85, Winter World Games en 86, puis il y avait les Summer Games 84, Summer Games 2 en 95. Fait que c'était vraiment épique. Accolade était plus sur il faisait dans le temps, il faisait Test Drive, si je me rappelle. Peut-être. Il faisait d'autres jeux là, mais Il y avait pas mal de compagnies, ceux qui ont connu le PC ou le Commodore 64 dans ces années-là, L'âge d'or parce du que ça PC. se compétitionnait tout, là. Il y avait aussi CinemaWare qui faisait des jeux comme King of the Crown ou des choses comme ça qui étaient presque cinématiques pour le temps, là. Pour ça qu'ils s'appelaient CinemaWare, là. Ouais, c'est Mais ça. t'sais, mais non, c'est ça, c'était Epix qui a été créé en 78 puis qui a faillité en 1993. Ils ont mis la clé dans la porte. Fait que c'était eux autres qui nous avaient donné ces merveilleux jeux-là, dont World Karate Championship aussi. Je sais pas si t'avais joué à ça, là. C'était Non, ça me dit rien celui-là. très bien. Ça ressemblait un peu à un jeu de karaté qu'il y avait à l'arcade où tu avais deux manettes, là. Tu te battais contre deux personnes, c'était ça là, tu avais deux manettes, puis il fallait que tu fasses tes coups avec deux manettes au lieu d'avoir des boutons, tu avais deux joysticks, puis tu avais, fait qu'après la manette, pour jouer à deux personnes, tu avais quatre joysticks, puis c'était selon où est-ce que tu plaçais tes manettes, tu faisais des coups de poing, des coups de pied ou des choses comme ça. C'était un jeu qui ressemblait à ça, qui avait sorti sur PC. OK. Un jeu de karaté, là, quelconque, là. C'était le fun. Mais tu sais, c'est ça. Donc, ouais, ça, Summer Games, je me rappelle de Summer puis Winter Games. C'était des jeux qui étaient le fun. Puis c'était un peu à la track and field, mais beaucoup mieux fait, là. Ouais, c'est ça, oui, je me souviens, mon trip dans Winter Games, c'était jouer le bobsleigh, hein. Puis quand on sortait de la track, là, c'était c'était quelque chose, hein. Mais non, c'est sûr que c'était bien fait pour dans ce temps-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'il pourrait faire, puis ça serait pas mal mieux. C'est de valeur, il y en a plus de jeux comme ça. Il y a les Olympiques, mais encore là, les Olympiques, t'sais, les Olympiques d'hiver, je me souviens pas. En Ouais, as-tu déjà eu? ils sortent à À chaque chaque 4 ans? vrais Olympiques, ouais, ils sortent un jeu, là. Mais à ce que je sache, ils sont rarement bien faits. Fait que je pense que ça passe comme semi-inaperçu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. T'sais, oui, j'ai vaguement connaissance que t'sais, qui sort des jeux pour les Olympiques, mais t'sais, on n'entend pas plus parler que ça. Hein. Non. Non. Vraiment pas, c'est plutôt tranquille, ça passe. Comme je te dis, on entend parler un petit peu avant que les Olympiques arrivent, puis après ça, on n'entend plus parler. Ouais, puis généralement, le jeu sort un peu avant aussi que les Olympiques sortent, non? Ouais, c'est ça, juste un Dans le peu. dernier mois, mettons. Ouais, juste pour monter un peu, donner un hype, comme on dit, donner une espèce d'engouement pour le jeu, parce que les Olympiques s'en viennent, puis le monde, j'imagine, ben, t'sais, ça intéresse certaines personnes. Moi, c'est rare que je m'assoie en avant de la télé et je regarde les Olympiques au complet, là. Je vais regarder des fois une compétition ou deux, là, mais c'est rare que je m'intéresse énormément à ça. Donc j'imagine que les gens qui attendent les Olympiques avec impatience sont ceux qui sont visés vers l'achat du jeu des Olympiques, là. Mais je veux dire, il n'y en a plus autant qu'il y en avait avant, ou ils sont moins intéressants que c'était. C'est sûr que dans le temps, Summer Games puis Winter Games. T'sais, pour le temps, c'était super bien fait. Aujourd'hui, c'est un jeu comme un autre, j'imagine. Ouais, ça serait de les réessayer, de voir aussi qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Puis c'est tout dépendant aussi, tu sais, s'ils ont des contrats avec un éditeur, mais que l'éditeur a refait tout le temps le même jeu. Peut-être que c'est une partie du problème, tu sais, fait qu'il devrait peut-être penser à changer d'éditeur des fois, tu sais, à changer Changer de de compagnie, ouais. compagnie qui font le jeu, fait, tu sais, à chaque 4 ans, avoir un nouveau pour justement, tu sais, à essayer peut-être encourager un peu tout le monde, tu sais, puis faire effectivement quelque chose de différent, parce que c'est sûr que là, il y aurait peut-être un problème de trop de différence de qualité, mais remarque, tu sais, aux 4 ans, tu l'oublies l'autre, là. Ouais, c'est parce qu'il faut se dire aussi que le comité olympique sont un petit peu attachés à l'argent. Fait que c'est beaucoup une affaire de commandite, puis une affaire de contrat, puis de tout ça. Tu sais, les contrats de télé, puis les contrats comme ça. Fait que ça doit prendre une compagnie qui a probablement les reins assez solides pour être capable de ramasser la licence des Jeux Olympiques, j'imagine. Effectivement, oui. Puis j'imagine qu'eux autres, c'est des contrats peut-être de plusieurs années, ou c'est peut-être un contrat de 2, 3, 4, t'sais, deux Olympiques, peut-être l'Olympique d'été, Olympique d'hiver, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, des contrats pour ça, là. Peut-être qu'un jour ça changera d'éditeur. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait présentement. Je sais pas si ça serait Sega ou si tu EA ou je sais vraiment pas là. Mais je pourrais pas dire non plus, je suis pas assez. Me semble qu'il y avait eu une critique à Monsieur Net d'un des jeux des Olympiques dernièrement, puis ça volait pas tellement haut, si je me rappelle. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappellent plus que nous autres, mais c'est, de toute façon, c'est pas le sujet du podcast ouais. d'aujourd'hui. Donc, si on continue, puis on passe un peu, ben, comme tu disais, un de tes jeux préférés, ça avait été Winter Games, des choses comme ça. Après ça, t'as embarqué dans quoi? Ben, sur PC, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on a suivi? J'essaie de me souvenir, parce que la plupart du temps, à chaque fois qu'on rachetait un nouveau jeu, fallait changer d'ordinateur. Parce que là, elle était pas assez forte. La carte ouais. graphique fonctionnait pas. C'est un peu le mauvais côté des PC. Là. Au moins une console, tu achètes un jeu, tu sais qu'elle va rouler sur ta console. Tandis qu'un PC, il faut toujours que tu regardes en arrière de la boîte, voir c'est quoi les prérequis. Ouais, c'est ça. Ce qu'on faisait pas nécessairement dans le début. Là. À cette heure, c'est rendu automatique, tu regardes, mais. Ouais. Déjà, tu regardais un peu moins, t'achetais un jeu, tu pensais que ça allait faire, finalement, non. Ça te prend un écran VGA, ça te prend ci, ça te prend ça. J'essaie de me souvenir, mais après les Wolfenstein. Tu parles Wolfenstein, tu parles de ceux de ceux en 3D, là, Wolfenstein ouais, qui est en 3D. Okay. Ouais, Wolf 3D, puis Spear of Destiny qui était la suite. Ok. Ça fait quand même assez longtemps, mais j'essaie de me souvenir. Surtout dans ce temps-là, c'était pas moi qui achetais les jeux, donc des fois c'est pas mal les derniers que je me souviens, en tout cas sur PC. Ok. T'as pas joué à Doom ou des choses comme ça? Pas du temps que j'ai été chez nous. Je crois que quand le Doom est rentré chez nous, j'étais déjà parti. Ok. Okay. Donc, mais oui, tu sais, j'ai vu passer le jeu. Sinon, ben, en tout cas, c'est comme je dis sur PC là, je me souviens pas d'autres jeux là après l'ère Castle Wolfenstein puis Spear. Puis... Ah, on a eu Death Track aussi. Ok, ça me dit rien. C'est ça fait penser pour ceux qui ont vu le film Death Race. Ok. Le film est inspiré en partie du jeu. OK. C'est une course du point A au point B. Où est-ce que tu as un véhicule qui est armé jusqu'aux dents, où tu peux accumuler de l'argent quand tu finis premier dans tes courses, puis que plus que tu fais sortir de personnes de la course, plus que ça te donne d'argent. Donc, plus tu peux améliorer en protection, en armes, en munitions, ton véhicule, donc éventuellement c'est plus facile de sortir les autres aussi. Ça, j'ai joué énormément à ça aussi. Ok. Ça, c'est un jeu que j'ai passé complètement à côté, je l'ai pas vu. Si je me souviens bien, ils ont ressorti aussi une version il y a 2 ou 3 ans. Ils avaient refait le jeu, c'était un studio russe, si je me souviens bien, qui avait ressorti le jeu, mais ça a pas marché autant. Ça n'a pas pogné. J'avais joué, je pense, à la bêta quand ça avait sorti, ou à la démo, peut-être à la démo. J'étais moins bêta dans ce temps-là, c'était peut-être une démo. Okay. J'avais essayé. Puis c'était pas comme l'original. Le petit oomph était pas là. Il n'y avait pas l'espèce de feeling que tu avais quand tu jouais dans le temps. C'est ça. Ils n'ont pas nécessairement super bien. C'était bien fait, c'est ça. Ouais. Du côté des graphismes, c'était super beau. Le principe était là aussi. Je me souviens pas si c'était inspiré un peu du film ou c'était complètement deux choses différentes. Mais de ce que je me souviens, en tout cas, dans la démo, c'était pas si extraordinaire que ça. Là. OK. Ça t'a pas donné le goût d'acheter le jeu? Non. OK. Si on passe, là, tu dis que les derniers jeux que tu te rappelles avant de partir de chez tes parents, c'était pas mal Wolfenstein puis Spear of Destiny, des choses comme ça. Ouais. Un coup, tu as déménagé. Qu'est-ce que tu as fait? Là? J'imagine qu'il a fallu que tu t'achètes des choses à toi, une console à toi, un PC à toi. T'es allé vers quoi? Quand je suis allé en appartement, j'ai été longtemps pas de console. Souvent, c'était mes colocs qui en avaient, puis je jouais avec eux autres à leur console, PlayStation. Mais moi, j'avais vraiment été côté PC OK. pour tout ce que ça apportait à côté aussi. Et puis, je suis Ouais. encore comme ça. Ouais, c'est sûr que ça te permet de faire plus de choses, dont créer des podcasts et aller sur Internet et tout ça. Aussi. Quoique les consoles sont en train de faire de plus en plus de choses comme aller sur Internet, là, mais elles sont pas encore au point de pouvoir enregistrer des podcasts. Oui, puis ça me fait penser, je crois que c'est sur Xbox aussi qu'il y a une application Twitch. Ah, j'ai pas regardé, mais c'est très possible. Il y a une application tout.tv maintenant, puis des choses comme ça, fait que ça me surprendrait même pas. Ouais, si je me souviens bien, je pense que c'est sur Xbox qui, ou du moins si elle n'est pas sortie, ça s'en vient. Il va y avoir possibilité de streamer Twitch puis de l'écouter via la Xbox. Mais c'est flou, là. Ok, bon, ça me surprendrait pas. Ils veulent que la console de salon remplace bientôt des systèmes de divertissement complets. Fait qu'ils veulent tout mettre dans la même console. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine Xbox, la prochaine PS3. D'après moi, il va y avoir des choses intéressantes là-dedans, même s'il va tout de même avoir des choses qui vont refroidir les fans. Il va peut-être Effectivement. avoir des choses intéressantes. Ouais. Donc, en appartement avec tes colocs ou tout seul dans ton coin, tu jouais à quoi sur ton nouveau PC? Tu étais rendu à quelle étape dans le gaming? Ben, en fait, cette partie-là, là, je dirais peut-être 17, peut-être 17-25, je jouais beaucoup moins. OK. Sur PC, j'étais surtout sur le chat. Je faisais beaucoup de MIRC. OK. Je faisais du ICQ. Ouais. Tout le monde faisait du ICQ dans ce temps-là. Puis j'ai connu aussi Pignon sur rue. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Il y Pas avait une moi. émission à Télé-Québec qui s'appelait Pignon sur rue. OK. Non, ça me dit rien. Puis il y avait un site web que tu pouvais aller là puis que tu pouvais chatter. Avec les personnes qui étaient là, là. C'était, dans le fond, c'était une interface web. C'était un genre de MIRC, mais interface web, là. OK. Puis, tu avais trois salles. Tu avais cuisine, salle à manger, salon, je pense, ou quelque chose, ou chambre à coucher, salle, cuisine, salon, peu importe. Puis, souvent, j'étais dans les trois pièces ou dans les trois fenêtres de chat, puis je parlais avec 10-12 personnes dans des fenêtres différentes. Il y en a beaucoup qui se demandaient comment je faisais pour suivre toutes les conversations, là, mais Fait que tu rouvrais trois fois la page, puis tu allais sur les trois sites différents, puis tu jouais à tout le ouais monde. ouais OK. j'étais j'étais Intéressant. ça comme j'étais longtemps que je faisais ça là, que j'ai été j'ai délaissé le côté jeu. Puis ben c'est les années aussi où est-ce que j'ai sorti un peu plus dans les bars. OK. Donc, tu sais, c'était mes fins de semaine, c'était ça. J'ai travaillé dans les bars aussi, donc je passais mes fins de semaine à être dans les bars, là, du mercredi au samedi. C'est là qu'on était, puis on a veillé longtemps après ça aussi. Donc, j'ai délaissé un petit peu le côté jeu vidéo, puis je suis revenu après ça, là, peut-être aux alentours de 25 ans, avec, j'ai pas acheté la Xbox, mais je pense que j'avais la PlayStation 2. OK. Que j'avais acheté, j'avais gardé ma Fat. Non, j'avais même changé ma Fat, ma Slim contre la Fat à mon frère parce que j'avais acheté Final Fantasy XI OK. qui était en ligne. OK, Puis ça te puis prenait un disque dur pour installer le jeu. Donc, j'avais pas le choix, ça me prenait une Fat. Si tu avais les PlayStation 2 Slim, il n'y avait pas de disque dur qui était avec. Donc, tu pouvais pas rien installer dessus. OK. Donc, on avait fait l'échange pour ça. Puis après ça, ben là, j'ai continué. Là, après ça, le 360 est sorti. J'ai acheté le 360. PS3, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai pas été. Côté Sony, j'ai souvent j'achète de seconde main. Puis peut-être la 4, en tout cas, je verrai, là. Tout dépendant du prix. Mais à 800$, ça me tentait pas d'acheter ça neuf, là. Non, non, mais c'est ça, un peu, c'est un peu exagéré. Moi non plus, ma Xbox, je l'ai achetée quand elle est tombée, je pense, à 300$. Puis ma PlayStation 3, c'est la même chose. Moi, payer 800$ pour une console, je trouve ça presque Non, c'est ça. indécent, là. Mes premières, je les ai achetées usagées, en fait, ma PlayStation 3, c'est encore une usagée que j'ai, mais l'Xbox, j'ai acheté une noire, j'ai acheté une neuve quand elle est sortie. Le prix, le deal était quand même assez bien. Puis j'ai racheté la Elite par après. OK. Puis là, présentement, je suis encore avec ma Elite, là. Avec la Elite, la noire, pas la nouvelle Slim, là. Ben, Non, c'est non, non, non, c'est ça. la petite grosse, là, pas la. Parce qu'on peut pas dire qu'elle est slim, même la nouvelle Xbox est quand même assez grosse, là, mais elle est Ouais, moins haute, mettons. c'est ça. J'avais acheté, je pense, la Elite en bundle avec la Kinect, là. C'était celle-là que j'avais acheté. Mais on a passé vite vite sur la PlayStation 2, comme quoi tu jouais en ligne à Final Fantasy, mais t'as-tu joué à d'autres choses à part de ça? Même si t'étais pas un gars Sony, mais t'avais pas goûté à la Xbox, tu jouais à quoi? T'as-tu été du genre, je sais pas, moi, Gran Turismo? T'as-tu été J'étais pas God of vraiment, War ou... j'ai pas été vraiment beaucoup jeu de course, puis c'est sûr qu'en n'ayant pas la console, tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas à nécessairement acheter les consoles. La PlayStation 2, ça a été plus tard aussi avant que je l'achète pour moi. Je jouais souvent avec les jeux de mes amis. J'étais surtout du type RPG, donc, tu sais, oui, j'ai joué, tu sais, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Need for Speed, je crois que j'ai joué plus sur PC que je peux les avoir joués sur console. OK. C'est arrivé quelquefois, ça arrive encore que je joue à des jeux de pif-paf-paf, Des jeux de bataille. des jeux de batteur style Tekken puis Mortal Kombat puis. Ça défoule de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est pas mon genre de jeu, mais tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, c'est pas quelque chose que j'haïs. Mais je ne vais pas être porté à aller jouer là-dessus. OK. Puis, tu sais, c'est souvent je jouais avec les jeux de mes amis, mais me souvenir exactement à quoi j'ai joué, je te dirais probablement qu'à part, à part les RPG, à part Final Fantasy, peut-être des Resident Evil qui étaient sortis dans ce temps-là que j'ai essayé, mais tu sais, j'étais vraiment ailleurs, là. Fait que Puis quand j'ai racheté mes consoles après, ben là, j'ai racheté souvent des bundles avec une dizaine de jeux. Fait que là, je me ramasse avec un peu tout, mais c'est tout le temps souvent les mêmes que je vais rejouer. Je vais rejouer les RPG, je vais rejouer les autant japonais qu'américains, là. OK. Fait que ta PlayStation 2 t'a pas mal servi à jouer à Final Fantasy. Probablement, oui, plus En qu'à autre gros. chose. Puis le 11, malheureusement, le 11, j'ai joué probablement aller jusqu'au niveau 15 ou 20, le temps que j'étais capable de jouer seul, puis du moment qu'il fallait que j'étais rendu plus loin dans le jeu, qu'il fallait qu'on soit en party, de party de 6, de 8 ou de 24, parce que tu avais certains boss qu'il fallait que tu sois, si tu n'allais pas là à 24, tu pouvais pas. De un, étant en région, ben, j'avais pas nécessairement assez d'amis pour jouer à ça, OK. pour que ça vaille la peine. Fait que là, tu étais dans le jeu, puis là, tu te mettais en mode attente, en mode recherche, tu sais, pour essayer de trouver du monde qui veut jouer avec toi. Puis c'était extrêmement long, puis ça, c'est quand tu venais à bout d'en trouver. Puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai décroché parce que, regarde, je suis plus capable d'avancer dans le jeu. C'est pas parce que je veux pas, là, mais tu sais, j'ai jamais personne. Puis moi, passer 1 heure en avant du jeu à attendre qu'il y ait quelqu'un qui se décide à venir jouer avec moi, ça m'intéressait pas. Fait que le jeu a juste pris le bord. Puis Ok, t'as juste arrêté de jouer. Mais le Final Fantasy que tu jouais sur la PS2, c'est celui qui était seulement en ligne. Hein? C'est-tu lui? non, j'ai joué beaucoup au 7. Ok, Le c'était 7, pas 8, Final le 8 Fantasy aussi était sur Online. PlayStation 2, ouais. Là. Ok, parce Mais qu'il y en avait lui un qui était avait pas online, sorti. Ok. c'est le 11 qui était ouais, Seulement en c'est ligne. ça, qui était seulement en ligne, ouais. Ça, ben, je me rappelle. Je pense que c'est le premier Final Fantasy qui avait sorti sur Xbox. Si je me rappelle, puis il était Final Fantasy Online. Il fallait absolument que tu joues en ligne, là. Oui, mais il est sorti par après sur Xbox. C'est 1 an ou 2 après. Ça a été long avant qu'il ressorte sur Xbox. OK. Donc, ta PS2, bon, a servi surtout à Final Fantasy. Après ça, tu t'es acheté... t'es passé à Xbox 360 en premier, t'avais dit. Oui, Puis j'ai complètement sauté la première Xbox. Mais mon frère en avait une. OK. On a joué. Ben, eux autres ont joué plus que moi. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment embarqué sur le, le, la Xbox, surtout quand elle est sortie avec les manettes aussi grosses que la console, là. Ouais, c'était pas des super manettes, les premières manettes de Xbox. Moi, je tripais pas dessus, là. Mais pourquoi, vu que tu étais un gars qui avait déjà une PS2, pourquoi tu as décidé d'aller vers la Xbox 360 au lieu d'une PS3? Parce qu'on sent, t'sais, souvent, on va aller vers la prochaine génération de la console qu'on a. T'sais, là, toi, tu as vraiment fait le saut de Sony à Microsoft. Tu avais des jeux qui t'attiraient plus sur la 360? En fait, oui, je pense que la première, en plus, qu'on a acheté, on l'avait acheté, on était trois. OK. Moi, mon frère, puis un de nos amis, on l'avait acheté à trois parce que on ne voulait pas nécessairement, surtout au prix qu'il était, en acheter une neuve. Fait que je pense qu'on l'avait acheté usagé, je suis plus certain. Puis on l'avait acheté à trois. Fait que souvent la console se promenait d'une place à l'autre. Ben moi, mon frère, on restait ensemble. Fait que c'était tel quel, mais des fois, on la prêtait à notre ami, c'est lui qui l'avait chez eux. Sinon, ben c'est ça, on jouait chez nous. Eux autres, à 360, on jouait énormément à Halo. OK, ouais. Moi, a priori, le jeu ne m'attirait pas. J'ai pas embarqué dans l'histoire jusqu'à ce que je l'essaye sur PC. Que je me Le dise que. premier Halo. Le premier Halo, quand il est OK. sorti sur PC, je dis, ah, il faudrait bien que je l'essaye, puis finalement, j'ai dévoré ce jeu-là. OK. T'aimais mieux le style clavier souris que le style manette, quoi? Ben oui, c'est ça. Tiens, encore aujourd'hui, il y a beaucoup. C'est sûr qu'il y a des jeux qui se jouent mieux avec une manette qu'avec un clavier souris. Tu sais, un jeu de course, personnellement, j'aime mieux la manette. Oui. Mais le côté PC m'attire aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui est secondaire dans le jeu, mais le graphisme, je suis du genre à tout le temps essayer d'avoir le maximum que je suis capable d'avoir. Ouais, ça c'est le PC qui va te le donner C'est le normalement. PC qui me donne, même si j'ai pas la dernière carte graphique, tu sais, le dernier cri. Ben, souvent, si tu achètes un peu avant, tu viens à bout quand même d'avoir meilleur que sur console. Ouais, Fait, c'est sûr. surtout plus que tu avances dans le temps, là. Ouais. Si tu te mets à jour, ta console, elle se met jamais à jour. Donc, c'est. Non, c'est sûr que Mais. t'es pris avec la carte graphique de la console quand qu'elle a été designée, là. Ouais, c'est ça. Mais tu mets le jeu, il marche. Ouais, c'est ça. C'est deux mondes différents. T'es C'est ça. sûr et certain que sur une console, le jeu va fonctionner. Puis sur un PC, ben, il faut que tu t'adaptes. Mais si tu es capable de t'adapter, si tu es capable d'avoir au moins le minimum requis, tu peux avoir un meilleur résultat que ce que tu vas avoir sur une console. C'est ça. C'est que c'est ce côté-là qui m'attire beaucoup plus. Fait que les jeux consoles, tu sais, je les achète. Ben aujourd'hui, j'en ai acheté beaucoup. C'est sûr qu'on peut peut-être tomber tantôt dans le rétro gaming, mais je rachète beaucoup parce que c'est le côté nostalgique aussi Ouais, qui c'est vient me fort. chercher, que je veux rejouer au jeu que j'ai joué quand j'étais jeune puis que j'ai trippé dessus. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour voir aussi si tu vas triper autant ou si c'était vraiment une passe ou des fois tu as des jeux qui t'ont tellement marqué que les rejouer, c'est intéressant aussi, là. C'est ça. Puis j'ai pas nécessairement passé du côté Xbox plus que PS3. J'ai jamais vraiment été plus une que l'autre. C'est juste que ça a donné comme ça. Peut-être que quand on était prête à en acheter une, qu'il y avait plus de jeux de Xbox qui nous intéressaient. Fait qu'on est allé vers celle-là. C'est sûr que les Final Fantasy, ça a toujours été Sony. Ben, toi, depuis que ça a switché de Nintendo à Sony, là. Ouais, c'est ça, dans le temps de la PS1. C'est ça. On allait avoir. C'était clair qu'éventuellement, j'allais avoir du PlayStation dans la maison, justement parce que j'étais un amateur de Final Fantasy, même si le 9 m'a déçu. OK. Le Mais 9, c'est-tu le dernier sorti, ça? Ou c'est le 10, le dernier sorti, hein? Sont rendus 10, 11, 12, Le 13. 13, Non, c'est 13. Ouais, t'as Final 13, Fantasy 13, 13, 13. 2. Ouais. Là, t'as les Lightning qui reviennent, là. OK. Ouais, tu vois comment je suis ça, les mondes de Final Fantasy, Ouais, là? c'est ça. 9, c'est le dernier, hein? Oh, non, ils sont rendus à 13. Ah, OK, excuse. Le 13, puis le 14 qui est en ligne. Je crois que le 14 est sorti aussi. Ah. qui est un autre qui est uniquement en ligne. Ok. Qui a fait un flop monumental à sa sortie, Même au mais qui Japon? se sont rattrapés avec la mise à jour. Ok. J'ai pas du tout suivi ça. Ouais. Mais le 9, c'est ça. Le 9 est un peu plus côté enfantin, côté graphisme. Si je me souviens bien, je pense que c'était pas du cel shading, mais c'était vraiment un graphisme, tu sais, Un plus peu plus Mario, plus. bande dessinée. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'avais pas accroché sur. Tu sais, c'était pas le genre de Final Fantasy que j'étais habitué d'avoir. Fait que il m'a comme pas intéressé. Ok. Puis à partir de celui-là, j'ai comme décroché des autres Final Fantasy. Ok, t'as pas suivi. Fait que t'as pas joué au 13, t'as pas joué au 13-2, t'as J'ai pas pas. joué au 10, j'ai pas joué au 12, j'ai pas joué au 13, j'ai pas. Ok. Un jour, peut-être. Ok, mais pas pour l'instant, t'as décroché. Ben. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je sais qu'il y en a. Bon, il y a eu d'autres chiolages sur les jeux, mais le 13-2, il y en a qui disent qu'il est beaucoup mieux que le 13, puis. Ben, un jour, peut-être, je les achèterai, puis. Je m'y remets. En plus, c'est des jeux. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que tu viens aussi. Ben, tu sais, c'est quoi avec une famille, puis avec. Le temps te manque, Ouais. tes priorités sont ailleurs. Passer 40 heures, 60 heures, 100 heures sur des jeux du style Final Fantasy, tu sais, je suis plus capable de le faire. Hein. Non, c'est ça. Tu veux avoir un jeu qui va te prendre 6 à 10 heures, puis tu peux le finir, puis passer à d'autres choses. Ouais, c'est ça, tu sais, à C'est. la limite, même si c'est un petit peu plus long, tu sais, comme exemple, tu sais, Diablo, ben, tu sais, faire le tour, c'est une quinzaine d'heures, 20 heures, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est pas pire. Parce que, tu sais, en plus, on le joue avec des amis, c'est sûr, c'est plus intéressant. Ouais. Mais, tu sais, à la limite, c'est quand même pas pire. Ça dépend du jeu. Si c'est ce genre de jeu-là, tu sais, en bas de 15 heures, tu sais, je le trouverais probablement trop court. OK. Mais, tu sais, ben, les jeux de guerre, j'ai jamais vraiment été attiré. OK, ouais. Les shooters, tu sais, ben les jeux de guerre genre Call Call of of Duty. Duty, puis OK. Medal of Honor, puis c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Le genre. Dans le genre shooter que je vais aimer, c'est plus Rainbow Six. C'est un OK. peu plus stratégique, puis un peu plus. J'aime bien les Vegas. Vegas 1, Vegas 2, j'ai joué énormément à ces deux-là. Là. Okay. Ghost Recon dans ce Ben style-là? non. Non, non plus. Parce que c'est quand même peut-être Ça... moins tactique que les Rainbow Six, mais c'est quand même un peu. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu, mais j'ai plus ou moins joué. Ceux que j'ai essayé, Ghost Recon, j'avais pas vraiment accroché. Ok. J'ai pas vraiment joué beaucoup de Ghost Recon. Ok. Plus les Rainbow Six Vegas, puis peut-être le prochain qui s'en vient, là. Oui, Patriot. J'attends, j'ai très hâte que Patriot y sorte. Ah, hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'il a été repoussé, si je me rappelle bien. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont l'idée Oui, de je le pense que sortir. oui. Faudrait vérifier, là. Ça fait un petit bout, je me tiens un peu à jour, mais je pense que c'est peut-être ben, au milieu de l'année, mais je suis plus sûr. Bon, on verra ce que ça va, ce que quand ça va sortir, parce que moi aussi, c'est un des jeux que j'attends avec le prochain Splinter Cell. Oui, ça aussi. Je les ai pas tous joués, les Splinter Cell, mais ceux que j'ai essayés, là, j'avais bien aimé aussi. Ouais. Conviction, pour moi, c'est. Ben, ils ont changé le style dans Conviction. T'es plus obligé d'être aussi passer tout le temps par en arrière puis pas te faire remarquer. Puis tout ça, tu peux rentrer dans le tas si tu veux, sauf certaines missions, là. J'aime mieux ce style-là, mais j'ai vraiment dévoré Conviction. Je sais pas si c'est un que tu as joué, là. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Je crois que je l'ai essayé, mais Ok. je pense que j'ai pas fini. Je sais même pas si je l'ai. Non, il vaut la peine d'être joué. L'histoire est vraiment bonne aussi. Puis, en tout cas, c'est un des jeux que je vais. Que je, c'est rare que je rejoue un jeu. Puis Conviction, c'est un des jeux que je vais. Un de ces quatre, je vais rejouer au complet. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, si on continue, Xbox, t'avais ta 360. À part Halo, y a-tu des jeux qui t'ont marqué là-dessus? Puis après ça, t'as quand même acheté ta PS3, même si tu l'as acheté usagé, tu l'as acheté pourquoi? Tu avais certains jeux qui t'attiraient, ou c'est juste tu t'es dit, ben, je fais des podcasts, ces jeux vidéo, j'écris ces jeux vidéo, ça me prendrait bien une console pour jouer certains jeux de ça, ou c'est vraiment tu l'as acheté parce qu'il y avait des jeux qui t'attiraient? Toutes ces réponses? Ok. Non, en fait, oui, c'est un peu un mélange de tout. J'avais envie d'avoir, même si je sais que la qualité n'est pas au maximum, j'avais envie d'avoir un lecteur Blu-ray. pour acheter les films Blu-ray puis pouvoir les écouter avec une qualité qui était meilleure que le DVD. Ouais, OK. Oui, le fait de faire des podcasts puis d'être dans l'entourage du jeu vidéo, effectivement, c'est sûr que bon, si je veux en essayer un peu plus, puis il faut que je me tienne au courant, fait que ça l'a permis ça. Il y avait certains titres qui m'attiraient, qui étaient des exclusivités que j'aimais bien avoir. Fait que, oui, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai fini par en acheter une. OK. Puis souvent, je vais regarder dans petites annonces, là, t'sais, voir qui se débarrasserait pas de sa console ou de vieille console. Puis des fois, je fais des méchants bons deals. OK, ouais, c'est ça, des fois ça vaut la peine de regarder dans l'usager, ça faut juste des fois on sait pas ce qu'on ramasse là. Faut qu'elle Ouais, c'est soit ça. quand même en bon état puis avec point 10-2 sur le point de mourir là. Ouais, non, c'est le risque à courir, mais t'sais, des fois, juste avec les jeux. Qui vient avec, tu rentres dans ton argent, là, fait que ta console, elle te coûte presque rien. Ouais, des fois ça, c'est ça, des fois ça vaut la peine. Quelqu'un qui veut vraiment s'en débarrasser puis qui ou des fois quelqu'un qui sait pas vraiment combien ça vaut là, C'est qui veut ça. juste s'en débarrasser, c'est sûr que c'est là que c'est vraiment le temps de faire une bonne affaire là. Mais tu disais que tu l'as acheté pour certaines exclusivités comme quoi? Ben, comme les Final Fantasy, comme les. Il faudrait que je revoie tous les jeux en haut. Parce T'es que c'est pas sûr que. du genre c'était pas pour God of War, t'es pas du genre God of War ou oui ou J'ai acheté le Collection, mais c'était pas vraiment mon genre de jeu. OK. Je l'ai acheté parce que, bon, c'était il y avait le 1 puis le 2, puis je voulais essayer les jeux. Puis il y en a beaucoup qui parlaient que c'était bon, puis que ça valait la peine, puis bon. Puis je les ai achetés, mais. Je les ai même pas joués. OK. Fait que tu les avais achetés pour les avoir, mais finalement, C'est ça. t'as même pas pris le temps d'y jouer. OK. Puis à part de ça, c'était vraiment pour le Final Fantasy? Ben, Encore? c'était pour, c'est ça, pour les RPG qu'il y avait là-dessus, pour c'est sûr que là, j'essaie de me souvenir. Last Remnant, je me souviens pas s'il était sorti. Tu sais, éventuellement, il y en a que, ah, tu sais, je vais avoir la PlayStation 3, fait, je vais pouvoir acheter tel jeu, tel jeu, tel jeu, mais probablement qu'il y en a un paquet que je veux, mais que j'ai pas encore parce que je suis pas tombé sur le deal que je voulais, puis je les ai pas vus en spécial ou à rabais, puis tu sais, des fois, c'est les fonds qui manquent aussi. Ouais, on n'a pas de l'argent illimité, là, ça c'est un fait. Non, c'est ça, puis là, j'essaie de me souvenir. J'ai Yang Gears dans la tête, mais je sais que Gears, c'est sur. Gears of War, ouais. Ouais, c'est ça, c'est sa 360. Là, j'essaie de me souvenir des. Metal Gear Solid? Non, Non. pas Metal Gear, non. C'est fou, hein? OK. Blanc. Tu me laisses-tu 30 secondes? Je vais monter en haut, je vais aller voir les jeux, puis je vais te revenir. Ben, prends 30 secondes. Non, non, non, c'est correct. Non, on n'est pas besoin d'être si précis que ça. Mais c'est drôle parce que je t'ai pas rien entendu parler de Nintendo depuis la NES. T'as complètement décroché de Nintendo? Ben, en fait, on a comme sauté par-dessus la Super Nintendo qu'on a eu que j'ai eu le temps que j'ai été chez mes parents, OK. qui a eu quelques jeux. On n'en a pas eu beaucoup non plus, mais tu sais, il y a eu les classiques, là, Mario, puis Mario Paint qui venait avec, puis Final Fantasy 2. Qu'est-ce qu'on a eu? Je me souviens plus trop exactement non plus qu'est-ce qu'on avait eu là-dessus. Mais après ça, moi, j'ai acheté la GameCube. OK. J'ai continué quand même à être du côté Nintendo, là. J'ai pas délaissé Nintendo. J'ai acheté Com la GameCube, complètement. j'ai acheté la Wii aussi, là. OK, ah, t'as la Wii aussi, OK. Mais comme tout le monde, est pas mal en train de ramasser de la poussière dans un coin, quoi. C'est presque ça, ouais. C'est pas mal ça, OK. C'est pas super. Moi, une chance, j'ai mon petit gars, sinon la Wii, Non, aurait c'est pas ça. été allumée depuis un bout. De temps en temps, je ressors. Voyons, c'est pas Mad World. Ok, ouais, l'espèce de jeu pété super sanglant, là. En noir et blanc, tu as juste Ok. le sang qui est en couleur, là. Ouais, ok, oui, j'ai entendu. J'avais vu, je pense, la critique de Bruno Georget à Monsieur Net, si je me rappelle. Ça avait l'air assez quelque chose. Fait que de temps en temps, tu joues à ça, mais c'est pas mal tout. Ben, c'est pas mal le gros jeu. Même les jeunes. Ils jouent presque pas à Wii. OK. Ils sont rendus, c'est sûr qu'ils sont rendus à 11 et 13 ans, là. Le plus vieux, il commence à connaître les joies du Xbox Live, hein. Oui, ben, quand ça commence à jouer sur la Xbox, puis que les graphismes sont pas mal plus beaux que ça, oui, puis les jeux sont un petit peu plus évolués, des fois, ça. Mais ben, évolués, je parle, il y a plus de jeux un peu plus adultes ou que Ouais. sur Nintendo, là, qui est Mario, puis Zelda, puis des choses comme ça, là. Pas que c'est pas des bons Ça, jeux, là. aller jusqu'à 10 ans, là, 10, 12 ans, là, la Nintendo, ça peut passer, mais passer ça, elle commence à prendre la poussière un peu. Commence à ramasser. C'est à peu près comme la mienne, mais elle s'est faite dépoussiérer depuis un petit bout de temps. C'est quand même pas si pire. Fait que ça c'est pas mal. Les consoles récentes, tu joues-tu encore sur PC? À part Diablo, tu joues-tu à d'autres choses présentement? Ben là, c'est sûr que Puis j'ai. ton bêta là, de ton jeu Ouais. asiatique, là. Et je vous joue, j'ai eu aussi Path of Exile, que lui est en bêta ouverte. OK. C'est un RPG du style. C'est dans le même style que Diablo, puis Dungeon Siege, puis etc. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup parce que la journée que je l'essayais, mon frère s'est joint à la conversation Skype, puis on est parti, puis on a joué à Diablo par après. OK. Donc j'ai joué peut-être une demi-heure à Path of Exile, que j'ai fait le Twitch. Puis je sais pas si je vais refaire. En tout cas, je vais voir s'il y a des mises à jour, mais j'avais pas de son dans le Twitch. J'étais pas capable de changer le son du jeu pour qu'il puisse sortir dans le Twitch. Fait que je sais pas si je vais refaire Un autre. un autre, c'est ça. En tout cas, je vais voir peut-être avec des mises à jour que ça va régler le problème, là, mais c'est pas mal à ça que je joue de ce temps-là. J'en achète beaucoup, souvent en spécial sur Steam, sur Gold Games ou sur Gamers Gate, que j'achète beaucoup en spécial, mais que je ne joue pas nécessairement, là. Le prochain que je me dis à chaque fois que je vois que j'ai que ah oui, c'est vrai, je l'ai acheté, là. Ouais, c'est ça. C'est Walking Dead. Oui, t'as pas joué ça encore? Non, puis à chaque fois que j'écoute, parce que en plus, là, en travaillant, parce que j'écoute les podcasts, je les écoutais en travaillant. OK. Fait que c'était facile de suivre, puis de parce que j'étais assis à mon bureau, puis souvent, j'avais presque pas de téléphone à faire, puis ça s'écoutait bien. Maintenant, à la maison, avec la petite, les podcasts, c'est un petit peu plus difficile à écouter. Ouais. Puis j'ai à peu près une vingtaine de podcasts en retard, fait que j'ai acheté le jeu, puis là j'entends encore parler de Walking Dead, qu'il y en a qui jouent, puis qui l'ont trouvé bon, puis qui fait que là à chaque fois je me dis, oh, faudrait bien que je le fasse, faudrait bien que Ouais. je le fasse. Ouais, c'est vraiment un jeu qui est excellent. J'en avais justement parlé sur Réalité Augmentée. Puis c'est vraiment un jeu qui t'embarque dedans, là. C'est vraiment sanglant, puis vraiment dégueu par bout, là. Mais l'histoire est tellement bonne, puis t'embarques tellement dans l'histoire justement à cause de ce qui se passe, puis le personnage, puis tout ça. Les personnages sont, ben pas tous, mais la plupart des personnages sont attachants, puis ça te dérange un peu ce qui arrive à certaines personnes, puis t'as un peu le contrôle de vie ou de mort sur certaines personnes, là. C'est vraiment excellent, ça devrait être ton prochain. Tu Ouais, devrais vraiment j'espère, en tout cas. passer à travers. Probablement que ce qui va arriver, c'est qu'un coup que je vais avoir embarqué dedans, je le lâcherai plus. Non, c'est ça. Mais c'est pas tellement long. Ça prend à peu près une vingtaine d'heures à finir au complet, là, les 5 épisodes, là. Fait que c'est quand même pas si long que ça. Mais ça vaut la peine d'être joué. Mais oui, Steam, c'est autant une bénédiction qu'un maléfice, là, parce que je veux dire, il tombe souvent des jeux en spéciaux, des jeux que tu dis quand il va tomber en spécial, je vais l'acheter. Puis après ça, tu l'achètes, puis tu joues pas. C'est Puis ça. ceux qui sont comme moi, qui ont acheté le Humble Bundle de THQ pendant le temps des fêtes, ben on s'est ramassé avec 8-9 jeux pour 6-7 $, tu sais. Là, tu veux passer à travers ces jeux-là. Fait que là, tu te ramasses avec 6-7 jeux, 8 jeux en avant. C'est ça. Puis là, il y en a des nouveaux qui sortent en plus, tu sais. Qui sont tout aussi intéressants, là. C'est ça. Fait que Steam, c'est aussi. C'est, comme je disais, c'est aussi une malédiction qu'un maléfice. C'est que oui, c'est le fun parce que c'est rendu facile d'acheter des jeux PC, puis c'est convivial, puis je veux dire, c'est rapide, puis ça fonctionne super bien. Mais justement, parce que c'est rapide, c'est convivial, puis ça fonctionne trop bien, on se ramasse avec des plein de jeux qu'on jouera peut-être jamais, en tout cas. Donc, si on va un petit peu, bon, on a passé à travers ça. Si je te demande, dans tous les jeux que tu as joués depuis le début, c'est quoi qui t'a, que tu as aimé le plus? C'est quoi ton jeu qui t'a marqué le plus dans tous ces jeux-là? Ça serait, écoute, ça va dépendre des genres, parce que je vais être plusieurs genres différents. OK. Ceux probablement que j'ai joué le plus, ça risque sûrement d'être sur PC. Puis je pense que je vais y aller probablement avec Diablo 2. OK. Ça serait le jeu qui t'aurait marqué le plus, puis ça serait ton meilleur jeu que t'as joué depuis que t'as commencé à jouer. Je serais porté à dire que oui, c'est sûr que c'est comme je dis, il y en a dans d'autres genres qui vont, tu sais, que je vais trouver tout aussi intéressant. Je pense entre autres aux civilisations, que j'ai joué énormément aussi aux civilisations, mais je suis pas bon. OK, ça t'a moins marqué que Diablo. J'arrive pas à finir les parties. Surtout, ben, ça dépend. Les premiers étaient peut-être un peu moins complexes. Fait que, je venais à bout souvent de me rendre jusqu'à la fin, mais j'étais pas nécessaire. J'avais pas réussi une game de malade. J'avais pas nécessairement battu tout le monde, puis j'étais pas rendu dans l'espace. Mais je rejoue les derniers récemment, puis je me fais clencher, là, ça n'a pas de sens. C'est un style que j'adore, mais je suis pas bon. Que tu maîtrises pas. Ouais, non, c'est ça, je maîtrise pas pantoute. Correct. Ça s'entend pas mal, je le maîtrise pas du tout non plus. Fait que ça, puis SimCity, puis ces choses-là. Tout ce qui est Sim, là, je sais pas, ma ville se ramasse toujours détruite ou ma civilisation toujours morte. Fait que j'ai passé à d'autres choses. Mais Diablo 2, j'ai bien aimé, moi aussi, quand je l'ai joué. Ouais, j'ai bien aimé, puis je pense que ben c'est sûr que bon, tu sais, bon, il y avait Civilization, Command and Conquer, j'ai bien aimé aussi les premiers, je dirais. Moi, c'était nouveau. Les Red Alert, puis les derniers là, ont peut-être un petit peu changé la donne, là. Ben, c'est moins nouveau aussi. Le premier Command and Conquer, t'as vraiment comme ça avec Dune qui avait sorti vraiment ce style de jeu-là, là, que d'où Warcraft a été un peu Warcraft puis Starcraft est sorti de là. Qui est des jeux comment qu'ils appellent ça, du simulation en temps réel. RTS, c'est ça? En temps, c'est ça. Real-time strategy. C'est ça, real-time stratégie, c'est ça. Fait que ça a un peu mis ce genre de jeu-là sur la carte, là. Diablo, c'est un peu différent, mais c'était un jeu excellent. Le deuxième était plus évolué que le premier, mais c'était deux excellents jeux. Oui. Puis si je te demande ton... L'histoire était bonne aussi. Ben oui, c'est ça, l'histoire est intéressante aussi. T'avais le goût de continuer, t'avais le goût de jouer, puis c'est ce qui a fait que ça a été un franc succès, puis que le monde a attendu, quoi, 13 ans pour le 3. C'est ça? Ouais, pour être. Ben, en tout cas, pour être déçu. Ah! T'sais, le jeu est pas mauvais. L'histoire est quand même bonne. C'est sûr que là, en plus, ils reprennent des personnages qu'on avait connus dans le 2, donc il y a une certaine continuité. Puis c'est le fun de voir aussi l'évolution, puis de se rappeler, puis de revoir d'autres personnages qu'on a vus. Le problème avec ça, c'est qu'ils ont trop simplifié, trop rendu ça accessible à tout le monde, à ceux qui avaient pas. Tu sais, ils ont pénalisé les hardcore, les premiers qui ont joué aux deux, puis ceux qui étaient sûrs qu'ils allaient acheter le jeu, c'est eux autres qui sont pénalisés Pour aller chercher parce un nouveau que marché. pour aller chercher le nouveau marché, tu sais, que eux autres essayent d'aller chercher justement de la nouvelle clientèle qui sont même pas sûrs qu'ils vont l'acheter, tu sais. Peut-être, là, vu que c'est plus accessible, ils vont dire oui, tu sais, ils vont l'essayer, puis mais tu sais, ça fait pas un mauvais jeu. C'est C'est juste pas le juste jeu que plate. t'attendais. Mais c'est ça, c'est juste plate. Puis ce que ça fait en sorte que tes personnages sont souvent les mêmes. Parce que à chaque niveau, à chaque tout le temps même niveau, tu vas avoir la même possibilité de bonus, puis à chaque, t'sais, fait que ça fait des personnages qui se ressemblent beaucoup plus qu'avec les autres, tandis qu'avec les autres, c'était possible d'avoir, t'sais, un éventail beaucoup plus large de personnages. J'avais des personnages qui se ressemblaient moins, qui n'avaient pas les mêmes habiletés, qui n'avaient pas, t'sais, même si tu pouvais faire 10 barbares différents, mais t'sais, ils se ressembleront pas tous. Tandis que là, aujourd'hui, avec le 3, tu vas faire 5 barbares ou 10 barbares, ben ils vont tous être pareils ou à peu près, là. Il y aurait presque pas de différence entre chaque, là. OK. Fait que c'est un peu là que ça dérangeait les hardcore, c'est que tu avais moins de possibilités que tu en avais dans le 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ton pire jeu, je sais que tu m'en as parlé avant qu'on commence, tu me l'as dit même sans que je te le demande, mais pour le bénéfice du monde qui écoute, c'est quoi ton pire jeu à vie? Ben, en fait, il y en a peut-être d'autres que j'ai détestés, mais le plus récent que je me souviens, puis de ce que je me rappelle, c'est probablement celui que j'ai détesté le plus, hein. C'est Age of Conan. Ok, qui est un MMORPG en ligne. Ouais. Tu es MMO? Non, je pense qu'il n'est pas MMO. Ok, c'est juste un RPG en ligne. Écoute, j'ai tellement peu joué que je pourrais même pas te dire, hein. Ok, puis tu le détestes parce que. Parce que ben, ça faisait quand même un petit bout qui était sorti, là, mais à l'installation, je pense que j'ai passé au moins 3 mises à jour avant d'être capable de jouer. Puis c'est pas des petites mises à jour de 20 MB, là. C'est des 1 gig, 2 gig, 3 gig, là. OK, des Fait que mises à ça a comme jour. pris 5 heures avant que je sois capable de jouer. OK. Puis plus de la bande passante. Ouais, plus la bande passante. Puis là, tu arrives pour jouer. Puis les contrôles. Ben, ça, pour les contrôles, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord. Entre autres, Charles On n'a pas honte. T'sais, lui avait pas haï le jeu. Il avait aimé ça. C'est le genre de contrôle qu'il est habitué de jouer. Moi, c'est pas le genre de contrôle que je suis habitué de jouer. Donc, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Puis, tu sais, être. Normalement, là, dans ce genre de jeu-là, tu vas avoir ton clic de souris pour frapper sur ton ennemi puis le tuer. Là, c'est avec 1, 2, 3, puis là, c'est. Oh, excusez, le téléphone sonne. Je vais essayer de. J'avais oublié de le mettre en muet. C'est pas grave. C'est avec 1, 2, 3 que tu vas frapper ton ennemi. 1, tu vas lui donner un coup à gauche. 2, ça va être un coup franc. 3, ça va être un coup par la droite. OK. Et tu sais, je suis pas habitué à ce genre-là, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis ça, c'est quand que le jeu décide de pas planter, là. OK. Fait Parce que qu'il est mal fait, le jeu est juste mal fait. ben, pour moi, oui. Puis j'ai vraiment eu une mauvaise expérience. Sur PC, en tout cas ben, je sais pas s'il se fait sur console, mais sur mon PC, ça a vraiment pas été de quoi pour faire que je l'aime. Ok. Non, je sais qu'il y a un jeu de Conan sur console, mais je pense pas que c'est Age of Conan. Je pense que c'est un autre jeu complètement différent. C'est plus un hack and slash, là. Si je me rappelle bien, là. Ben, t'sais, encore là, ça pourrait peut-être été possible, ça fit peut-être un peu plus, là, mais en tout cas. C'est probablement le pire jeu que. Que Puis t'as je suis joué? content d'avoir. Ben, je suis même pas content d'avoir payé 5$ pour ça. Tant qu'à moi, ça le valait même pas. Un 5$ mal investi. C'est juste 5$, mais ça a été très mal investi dans ce cas-là, là. OK. Si on regarde dans des jeux qui s'en viennent, c'est quoi? Y a-t-il un jeu que tu attends avec impatience qui s'en vient prochainement? Oui. J'essaie de me souvenir le nom. Ça va pas bien si tu l'attends avec impatience, tu te rappelles pas de son nom. Non, ouais, mais tu la mémoire à matin, on dirait qu'elle est restée couchée, elle. Samedi matin, ça t'aurait pris un café de plus? J'avais fait. Moi, ouais, c'est ça. J'ai donné juste une prise, c'est ça le problème. T'aurais pris un deuxième? J'ai fait un article dessus en plus. C'est le successeur spirituel de Titan Quest. Ah, ok. Ça s'en vient sur PC? Oui, ça s'en vient sur PC. Puis par les mêmes développeurs, puis ces choses-là, ou c'est... Oui, c'est ça, c'est j'essaie de trouver son titre. En tout cas, c'était le gars, il était pas directeur général, mais il était main concepteur, mettons, sur Titan Quest. Puis maintenant, il est rendu pour un autre studio. OK. Puis il avait envie de ressortir un jeu dans ce style-là. Ça serait-tu Grim Dawn? Grim Dawn, c'est ça, je faisais justement en train d'avoir la recherche. On est tombé dessus en même temps. Merci Mais Google. effectivement, oui, c'est Grim Dawn. Merci Google. Google qui est ton ami. OK, fait que ça va être le même genre de jeu, un hack and slash dans le même genre dans le même monde, j'imagine. Quelque chose. Non, non, en fait, ce ne sera pas dans le même monde. Ce sera pas parce que Titan Quest, c'était mythologie grecque. OK. Celui-là, dans les gameplays, je pense qu'on ne voyait pas vraiment dans quel univers ça allait être exactement, là. Mais je regarde, ça ressemble un peu à un Diablo ou un jeu comme ça, là. Ouais, c'est C'est. ça, c'est exactement ça. Les Torchlight, Diablo, c'est Dungeon Siege, dans ce style-là aussi. C'est des action RPG. Ouais, c'est aussi un jeu qui a été rajouté dans le Humble Bundle de THQ à la dernière minute. Donc, j'ai Titan Quest, j'ai juste pas encore joué à Titan Quest. OK. C'était-tu la version complète? Avais-tu le Immortal Throne? J'imagine que oui. Tu devais Oui. avoir Immortal Throne aussi. Ouais, il donnait les deux, si je me rappelle bien. Faudrait que j'aille voir dans ma liste de Steam. Faudrait juste pas que tout plante quand je vais y aller. Bibliothèque. Si je regarde. T'es où? Titan Quest. Titan Quest. Titan Quest. Je le vois là. Liste de jeux. Là-dessus, je le vois. Darksiders, Company of Heroes, Walking Dead. Mais je comprends pas. Ah, Titan Quest. Mais je ne l'ai pas installé. Il me semble que il y a tout dedans. Il me semble qu'il y a l'extension aussi dedans. Ouais, il a peut-être juste fait un bundle, tu sais, une installation, puis t'as les deux, là. Ouais, c'est ça. Il me semble que ça ressemble à ça, là. Mais il me semble qu'il y avait les deux dedans. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça le fun. J'avais joué un peu à Titan Quest dans le temps sur PC. Puis j'avais pas réussi à. Je l'avais pas terminé. Un de mes amis me l'avait prêté, puis j'y avais redonné. Je l'avais pas acheté pour moi, là. Puis quand j'y ai redonné, ben je l'ai désinstallé parce que légalement, il était pas à moi non plus, là. Fait que je m'en ai débarrassé, puis j'ai pas eu le temps de le finir. Fait que ça serait bien qu'à un moment donné, je m'y remette. Donc c'est ça que t'attends avec impatience ces jeux-là parce que c'est comme si tu joues tant à Diablo que ça, c'est sûrement le jeu Ben c'est que ça, t'aimes bien. c'est le style de jeu que j'adore. Puis j'avais trippé sur Titan Quest. On a joué longtemps aussi en coop, moi et mon frère, à ce jeu-là. Puis, étant donné que c'est le même, c'est Arthur Bruneau qui était lead designer chez Ironlore, OK. qui est maintenant rendu pour Crate Entertainment, qui fait le jeu aussi. Donc, pour ceux qui ont joué, ben, si vous avez vu les deux vidéos, c'est sûr que toi, si tu n'as pas joué à Titan Quest, tu ne peux pas vraiment comparer. Mais tu regardes le gameplay de l'un et de l'autre, c'est clair que ça a été fait par les mêmes développeurs, là. C'est exactement pareil, OK. C'est un projet là. Kickstarter, selon ce que je vois. C'est un projet Kickstarter qui a atteint son objectif, si je me souviens bien, c'était il y a à peu près un an. Et qui avait même dépassé l'objectif qui s'était fixé. Donc, presque le double, si je me souviens bien. Je suis pas allé voir si sur Kickstarter. Je pense que j'ai Mais pas fermé ma fenêtre. il voulait J'allais le faire. 280 000 pour finir le projet, selon ce que je vois dans un article. Puis, ouais, il me semble que c'était presque le double qu'il avait ramassé, là. OK, bon, c'est bien pareil. Essayer d'aller voir vite fait, là. Kickstarter qui est la nouvelle plateforme pour beaucoup de gens pour lancer des jeux indépendamment au lieu d'être attaché à un gros studio. Qui est quand Ouais, c'est même. ça. Il y a beaucoup de monde qui s'en va vers ça présentement. C'est bien de voir qu'il y a Ouais. des bons jeux qui s'en viennent, qui vont sortir de là. Ouais, même les grosses commencent à s'en aller dessus aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne. Le premier qui a essayé ça, puis qui a fait que ça a fonctionné, après ça, les autres sont pas fous. Ouais, effectivement. Ils vont aller voir. Effectivement, comme tu disais, c'était un objectif de 280 000, puis ils ont atteint 537. Bon, fait que le jeu va sortir. Y a-t-il une date de sortie d'annoncer? Présentement, non. Il y a des rumeurs sur certains forums qui parlent de août cette année. C'est pour ça que je le mets dans mes attentes de cette année, mais il n'y a pas de confirmation encore. Je sais qu'ils sont quand même, de ce qu'on voit en tout cas dans les gameplays, ils sont quand même assez avancés. Probablement que là, il reste juste à faire Le finalage, là. les ouais, ou faire les quêtes, puis terminer les quêtes qu'il va avoir aussi. Finir le jeu au complet. T'sais, si on fait la Ouais. première partie, ben, il reste comme les autres parties, les autres actes, si je pourrais dire. Ok. Non, on va voir quand ça va sortir, puis on l'essayera peut-être. J'avais bien aimé Titan Quest, même si je l'ai pas terminé. Je trouvais que c'est un jeu qui était quand même intéressant à jouer. Donc, Steve, on va terminer là-dessus. On a fait pas mal le tour depuis le début. Si les gens veulent te rejoindre présentement, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? T'es sur Twitter, ça je sais. C'est probablement la façon la plus simple et la plus rapide de me rejoindre, c'est sur Twitter. Parce que j'ai souvent mon téléphone avec moi, puis Au je vais tweet. répondre un peu partout, hein. C'est Kamelot78, Kamelot, 78. Puis pour ceux qui se posent la question, c'est par rapport au groupe de musique et non par rapport à l'émission française, à la série française Kaamelott. OK. C'est bien que tu précises. J'allais justement te poser la question. Puis sinon, ben là, comme tu as dit au début, tu as quitté Factor Geek. Tu vas travailler probablement à repartir quelque chose d'autre. J'imagine qu'un gars qui aime le jeu vidéo puis la culture geek comme toi restera pas à rien faire éternellement. Fait que j'imagine on va voir sûrement un petit blog apparaître à un moment donné quelque part, puis on va pouvoir voir ça sur Twitter. Puis quand ça sortira, ben je retweeterai à mon tour pour être sûr que la planète Twitter, ben ceux qui me suivent en tout cas, Ouais. le sachent. Effectivement, tu sais, puis je me suis jamais gêné pour le dire aussi. Une des raisons aussi pour laquelle j'avais été chercher Radio Boréal avec la Force G, c'était justement à être capable d'offrir quelque chose en Abitibi-Témiscamingue que je trouve qui manque du côté du jeu vidéo, qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas la possibilité d'avoir de grands magasins. Ou sans nécessairement être grand, mais tu sais, un qui est vraiment spécialisé jeux vidéo. On n'a rien qui gravite à l'entour de ça. Fait que le fait de pouvoir offrir le podcast à la radio, à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, je trouvais que c'était quelque chose C'était qui valait intéressant. vraiment la peine. Puis ça m'intéresse, puis j'aime, tu sais, je fais ça justement parce que j'aime ça, puis parce que je veux redonner à la communauté, puis je veux informer la communauté de ce qui s'en vient, de ce qui est bon, ce qui est pas bon, de ce qui est. Fait que c'est pas impossible qu'un jour que je ressorte quelque chose justement sur les Pour sur pouvoir remettre à la radio un podcast, quelque chose comme ça, pour remettre à la radio. c'est ça, là à l'enregistrement de ce podcast-ci, ça fait environ peut-être un mois que j'ai quitté Facteur Geek. C'est sûr que là, bon, il me reste quand même 3 mois de congé paternité. Je vais essayer d'en profiter un peu. Ouais, En mais fait, j'en profite. c'est ça. Profite pour t'occuper du bébé, mais aussi pour voir s'il n'y a pas un projet qui t'intéresse à démarrer. C'est le temps. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai du temps pour ça. Fait que éventuellement, c'est comme je dis, c'est presque certain qu'il va arriver quelque chose. Je peux pas dire quand. Je Ouais. sais même pas moi-même quand, donc c'est dur de. Mais ça me surprendrait pas que ça soit dans le courant de l'année. Bon, ben, tu nous tiendras au courant, puis on va s'arranger pour que le monde le sache quand ça arrivera. Ça marche. Mais Steve, je te remercie beaucoup d'avoir pris. Ça fait 2h04 qu'on enregistre, là, mais le podcast va être un petit peu plus court que ça. Mais ça va frôler 2 heures. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi ce matin, en ce samedi matin. Ouais, ben merci de l'invitation. Ça a été bien intéressant. Je veux dire, t'es un des gars que j'ai connu un peu grâce au podcast et choses comme ça. On a même eu l'occasion d'aller dîner ensemble l'été passé. Oui. Ça avait été bien agréable. T'es un gars super sympathique. J'espère qu'on va avoir quelque chose qui va venir de ton cru dans un avenir rapproché, là, parce que t'es quand même une partie de ceux qui m'ont donné le goût de faire du podcast avec Mike Gamer puis tout ça. Donc j'aimerais vraiment ça voir que ça continue pour toi aussi, parce que t'es, comme je disais, t'es un gars super sympathique, un gars que j'apprécie beaucoup d'avoir connu en rentrant dans ce merveilleux monde du podcasting. Arrête, la tête me rentrera plus dans le casse. Ah, mais quand, t'as juste assez le choc et dans le mal. Voilà, je l'agrandisse. Acheter un plus gros casse. Donc, merci encore, Steve. Ça a été super agréable de jaser avec toi, comme d'habitude. Pour les autres, ben merci d'avoir écouté cet épisode ce chapitre numéro 14 d'Histoire de Gamer. Je peux déjà vous annoncer le prochain, parce que il est déjà programmé. Le prochain, ça va être Joël Martel, de ceux qui connaissent pas Joël. Là, il y a un petit podcast qui s'appelle Fun Jouer Jeu. Là, c'est quelque chose d'obscur là, dans le coin d'Alma. Là. Non, tout le monde connaît Joël. Donc Joël va être le prochain invité de l'épisode du mois de mars. Donc je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois. Bye. Bye.